Voilà, attends, c'est parti trop vite. J'étais rappelé sur la news d'après. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. S'il y a des gens qui nous regardent, bienvenue sur 7ème fréquence. On est au 10ème épisode, le 15 décembre. Et on est dimanche, on est que deux. J'ai envie de te dire, est-ce que ça te rappelle pas le premier épisode où on s'est retrouvé à deux Moi, hein, je pense que c'est un signe indéniable. Indéniable. qu'on est clairement le pilier de cette chaîne? Je pense, hein. Et voilà. Moi, je pense. Je voulais pas me lancer des fleurs tout de suite en début Ouais, d'émission, je te mais lance, vas-y. là, Premier. voilà, force est de constater que le pilier est là. Voilà. Les piliers, s'il te plaît. Les piliers, oui, pardon. Non, mais le pilier, c'était toi et moi, toi, on forme un pilier. Je vois, ok. Bon, mais good, alors c'est encore plus beau, c'est encore plus métaphorique. Mais écoute, bah, comme tu le vois, la première news, une série sur Cassian Andor en 2021 sur le Disney+. Donc, Cassian Andor, pour ceux qui se rappellent, c'est le personnage de Rogue One. Rogue One qui était, je trouve, moi, l'un des films Star Wars les plus intéressants. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ben moi, je l'ai pas aimé, bizarrement, tu vois. Je sais Ah que les merde. fans de Star Wars l'ont beaucoup aimé. Ah, je suis pas fan de Star Wars, Et mais ben je trouve moi. que artistiquement parlant, c'est l'un des plus intéressants quand même. Ouais, ben je me suis assez ennuyé. Mais moi, de toute façon, les Star Wars, depuis la reprise Disney, malheureusement, j'ai un petit peu de mal. Et ben Rogue One, ben j'étais déçu et j'ai même des fois un peu du mal à comprendre comment. Parce que la communauté fan de Star Wars a beaucoup aimé ce Rogue One. Et à part moi, les 10 dernières minutes qui étaient incroyables et que c'était un peu le fantasme de voir ce genre de scène. Bah, tout le reste, vu qu'on savait déjà dès le début bah, l'avenir des personnages, bah, ça m'a rien procuré comme émotion en fait. Ok, bah je peux comprendre. Du coup, une série bah, sur Cassian Andor, pas du tout hypé. Alors ouais, non, pas du tout, mais alors pas du tout hypé. Je vais la regarder, mais elle aura pas longtemps sa chance, quoi. Vu que ça m'intéresse pas, si déjà dès le premier épisode j'accroche pas, ça sera au revoir. Bon, après, vu le niveau qu'il propose avec The Mandalorian, moi ça me fait très très peur du coup. Et tu vas le voir, on va parler de Disney plus tard. Je pense que je vais t'apprendre un truc sur Disney qui va pas te plaire du tout, qui va te faire les détester Oh, je vraiment. crains le pire. Potentiellement, bah, Je crains le pire. si tu veux savoir, ça concerne Ad Astra, quoi. Voilà. Bon, allez, on va passer à la suivante. Ad Astra, tu l'as aimé? Attends, t'as coupé en tout. Je t'ai pas entendu pour le coup. Ah, excuse-moi, je te disais, ça concerne Ad Astra. Oh putain, je sens mal ce coup-là. Ah, ouais, bah, t'as bien raison de mal le sentir. Et donc, ok, bah, écoute, ouais, voir ce qui va se passer avec le Disney+. Mais on va en reparler juste après, parce qu'on a une news sur la série de Mandalorian. Et bah ça aussi c'est un peu un truc que je trouve bizarre, Disney Plus qu'enchaîne un petit peu les merdes en ce moment, non? Ben, après, ils ont sorti que The Mandalorian, donc pour moi, on peut juger que sur ça, mais vu la qualité de la série du Mandalorian, ouais, ça fait peur. Et puis là, en plus, honnêtement, Cassian Andor, on s'en balèque de ce personnage, quoi. Parce que je vois pas à quel moment il mérite, tu vois, une série entière sur ce mec. Franchement, on s'en Ouais, fout. non, non, On non, non, s'en fout. Et je au suis moins, d'accord le avec toi. Mandalorian, il avait quand même le truc que les fans aimaient beaucoup Boba Fett, donc on suit un petit peu cette Ouais. tribu, je ne sais pas si on peut appeler ça cette tribu, ce gang, cette famille. Et du coup, bon, ça avait un micro-intérêt, on va dire. Que là, pour le coup, Cassian Andor, mais on s'en bat l'œuf. C'est un personnage moi, que je trouvais quand même intéressant, notamment parce que relativement charismatique. L'acteur qui est Diego Luna, je crois que nous on aimait, enfin que moi personnellement j'aime beaucoup, je sais pas pour toi. Pff, honnêtement, à part des seconds rôles, il a fait quoi? Des seconds rôles, hein. Ouais, voilà, on s'en fout, quoi, franchement. Ouais, c'est vrai qu'il a fait pas mal Ouais, de seconds rôles. après, s'il faut, la série sera bien. Hein. On va attendre de la voir avant de l'enterrer. Mais j'y crois pas et j'ai pas hâte. Ok, bon bah écoute, on va passer à la news suivante. Netflix qui produira une mini-série sur l'histoire de la création de Spotify à la manière de The Social Network. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, foi, pourquoi pas. C'est vrai que Spotify, moi, je m'en sers beaucoup. Donc, du coup, s'il y a des choses intéressantes à dire, ben, pourquoi pas? C'est comme tout, voilà. Sur le papier, ça vend pas du rêve, parce qu'on se dit Spotify, la création, pas qu'on s'en fout, mais bon, voilà, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais au final, si c'est bien fait, qu'on apprend des choses, qu'il y a des choses intéressantes à raconter, ben, pourquoi pas? Surtout que c'est une application que je me sers, donc du coup, ben, pourquoi pas? Ok, d'accord. Ouais, parce que Spotify notamment, ils ont une histoire assez particulière. Spotify, Deezer, je crois qu'ils ont à peu près la même histoire. Une histoire notamment sur les droits de l'acquisition. Je crois qu'il y a une histoire comme quoi, en fait, pour marcher, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant de payer les droits d'auteur de tout le monde, ils ont lancé leur application dans la totale illégalité en fait. Et ça a tellement marché qu'ils savaient, en fait, ils savaient que ça allait marcher. Et du coup, ils se sont dit, bon ben, Si on a des dépôts de plainte, au moins comme ça marchera, on aura de l'argent pour les payer. Donc, on préfère lancer ça maintenant plutôt que de se ruiner à acheter tous les droits d'auteur au début et que ça marchera pas et qu'on mettra la clé sous la porte, tu vois. Ils ont une histoire un petit peu comme ça, donc Ouais. ça peut être intéressant, surtout que The Social Network était un bon film. Bon, ils disent à la manière évidemment, mais ça sera probablement pas Kelly parce qu'on n'a pas Fincher derrière. À voir ce que ça peut donner. Maintenant, série Netflix, moi j'avoue que ça me fait de plus en plus peur le label Netflix. Non, moi, non, parce qu'ils font quand même des choses de qualité, alors je suis pas toujours ultra fan, pardon, mais je sais pas, là, moi, Netflix, pourquoi pas? Je sais que des fois, ils peuvent quand même mettre des moyens, ils savent des fois raconter de bonnes choses, donc pourquoi pas? Puis en plus, là, tu viens de me dire qu'il y a un peu une histoire d'illégalité, donc du coup, oui, ça peut mettre un peu d'intérêt et de piment à cette histoire de création, donc bah, du coup, tu vois, voilà, tu m'as un petit peu hypé, du coup, je me dis, ah, bah, ça peut être intéressant encore plus que ce que je pensais, quoi, donc bon, Ok, pourquoi pas? si je suis là pour appuyer, il y a ça. Vas-y, on va Voilà, tu passer m'hype. à la news suivante. Ce n'est pas toujours Pedro Pascal sous le casque de Mando. Non, alors là, c'est incroyable. Pour moi, c'est pas compliqué. Le meilleur épisode, c'est même pas lui. Ah, carrément? Bryce Mais toi, Dallas alors, c'est Howard. ça. Pourquoi Ouais. ils prennent Pedro Pascal? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors, justement, bonne question. Faut savoir qu'il y a le fils de John Wayne, le petit-fils de John Wayne, qui le remplace de temps en temps. Donc Brendan Non, c'est Wayne. pas Bruce? Ah, ouais. Non, c'est pas Bruce, non. Je sais que ça devrait faire plaisir, mais c'est pas Bruce, quoi. Parce que Batman sous le casque de Mando, bon, ça devient compliqué, quoi. On s'y perd. Mais au moins la série, je l'aurais un peu plus appréciée, tu vois. Ouais, j'imagine, mais bon. Mais en fait, tu sais, l'épisode 4, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est sûrement l'un des meilleurs. Oui, Mis en scène carrément, par ouais. Bryce Dallas Howard, c'est pas compliqué, hein. Bryce Dallas Howard, elle a juste dit qu'elle avait jamais vu Pedro Pascal, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, Ah voilà, ouais, elle mais a dit putain, c'est quand même problématique, il ça. était pas là. Et pour moi, déjà, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que Mando, il est à moitié charismatique, vraiment, dans le sens où il se fait ridiculiser les trois quarts du temps. Il se fait vraiment bolos tout le temps. Et en plus de ça, c'est même pas lui, donc au bout d'un moment, les gars, faites un effort, quoi. Ben ouais, je suis d'accord, ouais, c'est assez. En fait, c'est ultra surprenant, quoi, parce que quel est l'intérêt de prendre du coup un acteur un peu connu? Bon, c'est pas, voilà, c'est sûr, c'est pas Brad Pitt, mais de prendre quand même quelqu'un de connu qui a quand même un peu de bouteille et déjà de le faire dans un rôle où on le voit jamais, déjà, c'est un peu problématique, mais à la limite, tu dis, bon, dans les attitudes et tout, tu peux un peu le retrouver, mais si en plus, c'est même pas lui, qu'est-ce que t'allais te faire chier à prendre lui? Il prend, je sais pas moi, un mec dans la rue, rend le célèbre, donne lui de l'argent et au moins il joue un rôle. Moi, il m'appelait, je me mettais dans le costume si vous voulez. Ouais, Mais mais toi tu c'est manques un peu de quand charisme même. quoi à l'heure actuelle. Ben, si je suis dans un costume, on me voit pas. Ouais, c'est pas faux. Tu peux être moche, gros, obèse, pas charismatique, t'es dans un costume, qu'est-ce que tu t'en fous? Ouais, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Tac, attendez, je Surtout qu'en regarde. plus, tu joues un personnage qui se fait fracasser toute la journée. Alors, moi, ça me dérange pas parce que je trouve au moins ça. Ça lui donne un petit côté attachant, mais ça reste une victime. Donc, en plus, tu joues une victime. Donc, du coup, je vois pas pourquoi tu te fais chier à aller prendre Pedro Pascal pour faire ça. Et en plus, si c'est même pas lui qui est dedans, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est Pourquoi bizarre pas parce tout le que temps c'est. dedans? Ouais. Écoute, je trouve ça particulier. Pour moi, The Mandalorian, ouais, et Disney+, qui font vraiment des choix plus que douteux. Mais vraiment. Par exemple, moi, Mais ouais, mais ce le problème, Anto. qui. T'as raison dans ce que tu dis, ils font des choix douteux. Moi, je trouve que c'est pas quali du tout, mais quand tu regardes, par exemple, sur Twitter, les gens, ils sont en extase. Mais alors, Enfin, 80% des gens, ils sont en on extase. en parlera après, justement. On a la question de la semaine qui va concerner pour moi Six Underground et un petit peu The Mandalorian. Et le CD du Brojo, Romu, pour te répondre, je sais pas si c'est le premier rôle de Brendan Wayne, mais on peut pas appeler ça un rôle, tu vois. Personne ne saura jamais qui était dessous vraiment. Et je me tape une barre si l'épisode où il révèle sa tête, ils avaient même pas pris Pedro Pascal, quoi. Oh Les mecs putain, ont pas c'est fait quoi, ça gaffe, serait un t'imagines? gouffre ouvert. Ah, je suis mort. Ah, c'est clair. Mais ouais, non, je sais pas, Ouais, c'est pour incroyable. le coup, je sais pas du tout remis, donc bonne question. C'est ouf. Donc on peut aussi mentionner Latif Crowder, parce que de toute façon, c'est la seule fois où quelqu'un le mentionnera pour cette série, donc bien joué à lui aussi de. Après, apparemment, il se coordonnait pour la gestuelle et tout. Tu vois pas spécialement que c'est pas lui, mais enfin. Non mais franchement pour la gestuelle faut arrêter, je joue pas non plus, enfin il n'y a pas besoin de se coordonner quoi. Bah non, mais je suis d'accord. Juste tu tombes de la même façon quoi, vu qu'il fait que tomber, bah voilà, tu fais les mêmes roulades et enfin franchement. Après, c'est vrai qu'il a une dégaine quand Non. même particulière quand il marche. Il fait vraiment western pour le coup. Et la série est sauvée comme ça. Ah il fait western, il fait cowboy. Il fait Ouais, cowboy, ça c'est il fait clair. cowboy clairement. Et pour moi, un autre choix douteux de la série d'ailleurs, c'est les épisodes de 30 minutes. Bon, le 6 dure 43, je crois, donc ok. En plus, le 6, tu l'as pas vu, donc je vais pas spoiler. Mais Non. en termes de mise en scène, le 6 il est absolument lourd. Franchement, ça fait. Le 4 est vraiment très bon en termes de mise en scène, mais celui-là en termes de mise en scène il est beaucoup mieux. En plus, il y a quelques moments de bravoure, donc ça fonctionne assez bien. Maintenant, bah, le scénario est toujours pas là. Hein. Le scénario, on le cherche encore, donc c'est un peu Donc il reste dommage. deux épisodes, il n'y a toujours pas de... Voilà. Là, Et. c'est quoi en fait le 6, il arrive dans une planète, ils ont besoin d'essence, il va leur apporter de l'essence, et il repart. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu parlais l'autre jour. C'est plus ou moins ça en vrai. Hein. Mais toi, tu parlais l'autre jour du fait que. C'est quel épisode qui doit lier à Star Wars 9? Ah, c'est le dernier. Mais Apparemment, c'est le dernier. c'est débile. Pourquoi ils font ça? Le Star Wars 9 sera déjà sorti partout. Apparemment, ils disent, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu con ce délire. Mais non, non, ils disent que là, en fait, je sais plus s'ils disaient l'épisode où la série entière était liée à Star Wars 9. Mais il dit, non, il parlait Mais à d'un mon avis, c'est épisode, le ça c'est dernier sûr. parce que là, à l'heure actuelle, je vois rien. Moi le 6, il y a des trucs qui me font penser que peut-être qu'il y a un peu de Star Wars 9. Mais le truc c'est que je suis pas assez connaisseur pour savoir que si c'est le cas ou pas. Maintenant, à mon avis, c'est pas le 6 du tout, ça doit être peut-être le 8. Et dans ce cas-là, bah, c'est. Enfin, On l'aura franchement, déjà vu. c'est absurde. Bah, alors nous, on n'est pas censé l'avoir vu déjà, donc Disney Plus se met encore Oui, en un plus, doigt dans le nous, on n'est pion. pas censé. Ouais. Mais par contre, les Américains, même eux, auront vu le film avant de voir l'épisode, quoi. Enfin, Disney Plus, franchement, t'appelles ça. Ouais, c'est un peu douteux comme choix. Ils possèdent quasiment le cinéma maintenant et les mecs sont toujours cons comme des manches à balai. Bon, Non, ouais, bref, c'est assez on va surprenant. passer à la news d'après parce que on a assez parlé de The Mandalo. Ah, pardon, j'ai Ouais. cliqué à côté. Disney pourrait racheter la saga James Bond. Putain, y'a que du Disney, j'ai oublié! Non! Et je l'ai vu ça, je l'ai vu hier, cette news, je l'ai vu sur Twitter, et ben, il manquerait plus que ça, quoi, j'ai envie de te dire. Alors là, c'est. Là, ce serait vraiment le pompon sur la Garonne, quoi, pour un peu dire les expressions de chez toi, du Bah, côté du par contre, vraiment sud-ouest. personne s'en Alors sert là. donc évite de. Parce que je vais être obligé de te menacer de mort après, c'est chiant quoi. Ah ouais, parce que nous, ça fait cliché, hein, nous, dans le sud-est, on pense vraiment que vous dites cette expression, mais tout le temps, Ah, quoi. mais je l'ai jamais On le dit, entendu de on ma vie en pense à fait. vous. En 21 ans, j'ai jamais entendu de ma vie. Donc faut arrêter ça tout de suite quoi. Bon, ben voilà, c'est pompon sur la Garonne Ok. parce que là, franchement, James Bond, ils vont nous faire quoi? En plus, Disney version James Bond, c'est-à-dire que on aura un coin James Bond asiatique, un coin James Bond black, un coin James Bond féminin, coincé un James Bond transgenre. Ils vont vouloir satisfaire tout le monde, ça va être gnangnan. James Bond, il tuera plus personne, il va blesser tout le monde, tu vois, ça va être, il va devoir blesser tout le monde pour pas pouvoir les tuer. Il faut arrêter James Bond. Je trouvais que depuis quelques temps, il prenait une tournure assez sombre et assez drama. Je trouvais que c'était très bien. Si ça tombe dans les mains de Disney, mais c'est foutu. C'est foutu. Ouais, ok, je vois. Pour le coup, j'ai vu que Skyfall, qui était très bon, ouais, ma foi. Mais là, j'avoue que bah, ça me donne pas spécialement envie de regarder. Donc, Ouais. Mais tu devrais regarder Casino Royale, vu que tu l'as pas vu. Parce qu'il y a Mads Mikkelsen en plus dedans, que je sais que tu Ah, aimes bien. ouais. Et pour moi, c'est mon James Bond préféré. Je ne suis pas fan de James Bond non plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que Casino Royale, c'est mon préféré, parce qu'il y a les vrais fans de James Bond, ils disent que Casino Royale, c'est pas un vrai James Bond. Parce que c'est un film un peu où il y a beaucoup de casinos, beaucoup de poker et tout ça, donc du coup, c'est pas vraiment un James Bond selon eux, mais pour moi, c'est celui que j'ai préféré. Donc du coup, regarde-le, parce que ça pourrait te plaire. Ça a rien à voir avec le film asiatique? Casino Royale? Non. Ok, d'accord, rien à voir. Non, non. Ok, bah écoute, ouais, de toute façon, je compte me les faire avant la sortie de No Time to Die, donc je le verrai forcément, Ouais. quoi. Mais Ouais, ouais, ouais, ouais, mais ouais, non, si Disney rachète, on voit au drame. Ils vont nous caler un bébé dans James Bond Disney. Romu qui dit ça. Bah écoute, malheureusement, ce serait pas impossible, hein. ouais. Ouais, comme il dit Romu, il a raison sur le chat, il nous dit ils vont nous caler un bébé dans James Bond. Ah oui, c'est clair, ils vont nous faire une petite mascotte, c'est sûr, pour vendre des jouets. Et après, c'est Jay à Toys R Us qui va être en galère, c'est sûr. Ouais, C'est sûr. clairement, clairement. Bon, écoute, on va passer à la news d'après parce que j'ai peur qu'elle soit Ouais. Disney encore. Merde, là, je Oh clique à non. côté à chaque fois. Oh! Ah non, alors voilà. Alors, Matrix 4 et John Wick 4 sortiraient le même jour. Moi, je dis, moi, j'ai lâché un mouais entre Ça, parenthèses parce que les gens, mais Internet s'est enflammé en mode oh, trop bien, double dose de Keanu Reeves. Mais bien sûr qu'il y a un des deux films qui va être décalé. Réfléchissez, les gars. Enfin, moi, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Improbable que les deux films sortent le même jour. Improbable. Paraît improbable, mais ce serait tellement what the fuck que vu que c'est Keanu Reeves, et bah tu sais quoi, je peux y croire moi. Je pense qu'ils peuvent le faire ça. Ouais, mais le truc c'est que Matrix c'est qui produit? Je sais pas, c'est pas Wachowski qui s'autoproduit? Oh, il y a forcément un gros studio derrière, je pense. C'est pas Disney, j'espère. Ah ouais, non, non. Ah ouais, tu parles en gros studio, ouais, c'est quoi? C'est pas la Warner qui fait ça? Ouais, j'avoue, je sais plus trop. Et John Wick c'est pas la Warner, c'est la. C'est qui John Wick? Bonne question. Je sais pas qui c'est John Wick. Mais en tout cas, moi je crois pas du tout au fait que les deux Ouais, tu vois, studios Warner vont pour se mettre Matrix, d'accord en fait. Romu nous dit sur le chat, ouais, il a raison, ouais, c'est ça. Warner pour Matrix. Et tu sais qui c'est pour John Wick 4, Romu, s'il te plaît? Alors moi j'y crois pas du tout parce que... Alors. Non, au bout d'un moment, non, ça va 2 minutes quoi. Les deux studios vont pas faire ces deux gros films. Deux films sûrement peut-être Matrix 4 un poil plus attendu. Et même si j'y crois moyen parce que John Wick ça a une cote tellement élevée que... Voilà. Mais... Moi, je vois pas deux studios se tirer une balle dans le pied en faisant ça en vrai. Non, alors après, peut-être que ce sera décalé s'il faut même que d'une semaine. C'est possible, il Ouais, non, mais suffit des voilà. fois de Mais pour jouer moi, sur une le semaine. même jour. Mais parce qu'en vrai, ça fait autant de bruit que Baby Yoda. Hein. Metropolitan pour John Wick, tout à fait Romu, t'as tout à fait raison. Maintenant que j'y repense, c'est ça. Donc, moi, je les vois pas ce. Metropolitan, Ah oui, c'est ça. c'est quoi? C'est Lionsgate, non? Je sais plus si c'est la même maison. Je crois que Metropolitan, c'est une compagnie de Lionsgate. Je suis pas sûr. Peut-être que quelqu'un pourra nous confirmer ça, quelqu'un des une des deux personnes sur le live, donc toi et Romu. En fait, on compte sur nous-mêmes. C'est ça. Mais pour le coup, j'avoue que non, moi j'y crois pas du tout. Hein. Donc peut-être, tu vois, parce que John Wick, enfin, ils en J'y seraient crois capables. pas. C'est pas une question de. Bon, je sais pas si ça sortira le même jour, honnêtement, je sais rien, mais je trouve que ça sera cool. Du coup, on sait qu'en peu de temps, on aura double dose de Keanu Reeves. Et ça va être cool. Après, pour reparler un peu de Matrix 4, moi, honnêtement, j'ai très peur. Mais vraiment, vraiment très peur. Vas-y, je t'écoute, hein. Parce que même si c'est Wachowski derrière, faut pas oublier qu'il y a quelque temps, ils nous ont fait Jupiter Ascending. Et j'avais trouvé ça, mais épouvantable, Faut dire qu'ils quoi. avaient pas J'étais choisi les meilleurs vraiment. acteurs non plus, quoi. Non, mais alors après, Mila Kunis, Ouais, bon, c'est ça va deux gratuit, minutes, c'est quoi. physique, c'est. Ouais, mais quelqu'un. Ouais, Non, non, bon, mais tu voilà, veux une j'aime actrice bien, mais. physique, tu prends Ana de Armas, quoi. Elle est douée et physique. Tu vois? Oui, c'est sûr, mais à l'époque, elle n'était pas encore dans le game, quoi, si on peut dire. Romu qui Mais nous dit ouais, après, c'est vrai que s'il faut, autant, ouais, j'ai vu, ouais. Ok, Romu ils vont qui nous peut-être dit être liés, John Wick et Matrix, ce serait marrant. ce serait pas ben il y a une théorie hein, comme ça qui est sortie depuis le Il y 2 a je une crois. théorie, ouais. Que John Wick, en fait, il serait, enfin, ce serait Il serait dans la Neo matrice. perdu dans la matrice. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. En Ouais, vrai ce s'ils serait font drôle. ça, ce serait fou. Le truc c'est que je pense pas qu'ils l'auraient prévu. Moi c'est ça qui me perturbe parce que Matrix 4, ça date pas d'aujourd'hui quoi. Enfin, ça date d'aujourd'hui justement. Alors, ouais, non, alors tu sais pourquoi moi, le petit truc où je me dis, alors c'est un peu un fantasme et j'y crois pas du tout, mais il y a un petit truc où je me dis quand même, John Wick, ils vont quand même loin dans l'action, dans un petit peu le truc improbable. Mais depuis que j'ai vu John Wick tomber d'en haut d'un building, se fracasser 4 fois la colonne vertébrale contre des barrières et atterrir en bas et se relever, là, franchement, pour toi, je me suis dit, oh, on est dans Matrix. Ouais, bah moi tu vois, Comment il peut survivre à ça? c'est pour ça que pour moi le film est moins bon. Pour moi la saga elle perd en qualité pour ça en fait, parce que c'est plus du tout réaliste. Là où ça se voulait crédible au départ, tu vois. Et je trouve Attends, ça attends, je t'ai pas dommage. entendu. Ah, je T'as disais eu un pardon, souci de micro, je crois, là, t'as coupé. je disais, tu m'entends là? Ouais, mais ça coupe. Et là tu m'entends? Tu m'entends pas? Bah voilà, c'est là, je t'entends. Mais Ok. c'était un peu le bordel. Good, là c'est bon? Ouais. Ok. Je te disais, pour moi la saga elle perd en qualité pour ça, parce qu'à la base ça se voulait crédible en fait. Et c'est ça que je trouve dommage. Moi, voilà, cette dernière scène, je ne l'ai pas du tout aimée parce que je dis là, on va trop trop loin et comme tu dis, là, on sort du truc faisable, réalisable. Tu vois, avant, alors, ouais, il est un peu invincible, mais au moins, il est doué, il tue tout le monde. Pourquoi pas? Et là, on a franchi un cap un peu, du coup, même dans le fantastique, parce que tu ne veux pas te relever de ce qu'il a mangé dans la gueule. Ouais, Et c'est pour ouais, ça que je me dis, autant, ils vont se faire un kiff, va savoir. Tu sais, ce serait quand même une première fois un peu au cinéma et. Il pourrait vraiment créer un buzz assez incroyable en faisant ça. ouais. Ah non, mais par contre, ça marcherait du feu de Dieu dans l'univers cinématographique. Ce serait la première fois que ce serait fait. En plus, Je Keanu Reeves, t'entends il... plus, Anto. Ouais, mais quel Anto, démon. Anto, je t'entends plus. Mais ça doit venir de toi, je pense, non? Non? Non, enfin, en fait, ça saccade. Pendant 4-5 secondes, je t'entends plus. Et après, toi, ta voix revient, ça saccade, je t'entends plus, ça revient, et ainsi de Ah suite. merde. Romu qui nous dit que tu m'entends, hein? Tu vois, là, je t'entends pas. Ah merde, c'est quoi cette merde? Tac, 2 secondes, hein, je fais. Un petit souci technique. Ouais, tranquillement, tranquillement, 2 secondes, hein. On est plus à ça près. Tu m'entends là? Et tu vois là, même le live, il bug, tu vois, sur YouTube. T'as quoi là en train de prendre feu, je pense. Attends, faut que je regarde. Attends, faut que je regarde un truc alors. Merde. Non, mais non, ce serait bizarre. Ah, Romu qui dit qu'il nous entend bien tous les deux. Je pense que ça doit venir de chez toi en fait. Ah bah merde. Bah, okay. Bah, des fois, si je te réponds pas, c'est que j'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est toi, t'es le démon aussi. Il y a tout qui marche bien ici là. Et tu te plains, non mais oh. Romu qui disait que. Du coup, bah, ça va être compliqué d'avoir un dialogue si jamais tu m'entends pas. Mais peut-être coupe le live. Non? Parce que. Ah ouais, alors en fait, ça vient peut-être de chez moi, la connecte. Mais putain, mais wow, si, il y a 25 ordi connectés chez moi. Coupe le live, bah moi aussi, mais coupe le live. Parce que ça pompe ta couille un peu. Merci Romu pour les infos techniques, j'avoue que sans toi on aurait galéré. Je me serais mis à paniquer. Just est dans la matrice. Je pense que je suis en train d'aller dans la matrice, ouais. Tu vas Je suis en train de rejoindre partir en couille. Kenyu. Mais tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends, ouais. Ok, super. Du coup, on disait que ouais, ce serait fou pour le cinéma. Franchement, moi, ce serait pas déplaisant. Parce que autant maintenant justifier John Wick au point où ils en sont, quoi. Ouais, non, mais moi, sur ça, je te dis que je sais pas si c'est possible, je sais pas si on est vraiment dans du gros fantasme, mais moi, je trouve que ce serait tellement énorme et je pense même que ça mettrait un petit coup, un pied de nez, tu vois, au MCU. Alors, c'est pas forcément lié, mais toi, MCU, ils veulent faire des films liés, c'est tout carré, ça sort les uns après les autres. Et là, ils arriveraient à faire un putain de truc, un putain de buzz. Moi, je pense que ça serait énorme Ouais. et je pense que ouais, ça mettrait un petit coup de pied dans la gueule à Disney, je pense aussi. Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça, mais bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon. Je pense qu'on est sur du fantasme. Ouais. Bon, bah écoute, voilà, c'était la news anti-Disney, on va dire. On va passer à la suivante, du coup. Bah, Kill Bill 3 serait en marche selon Quentin Tarantino. T'es hypé? Alors, je suis très hypé, mais après, il faut se méfier parce que ça fait 10 ans que Quentin Tarantino nous sort tous les étés qu'il a bu un verre avec Uma Thurman et qu'ils ont parlé du scénario de Kill Bill 3. Donc, je pense qu'il va le faire parce qu'il en parle comme depuis un moment. Je pense qu'il va le faire. Mais. Il faut prendre des pincettes parce qu'il nous fait quand même le coup chaque année, Quentin. Donc voilà. Dès Ok, qu'il voit d'accord. Uma Thurman, il nous le dit de toute façon. Donc du coup, il faut se méfier parce que vu qu'ils sont amis et qu'ils se voient souvent, donc bon, il faut. Mais il n'y a pas un moment où vous étiez plus 3 000 suite à son accident et tout? Il y a eu un souci, je crois, mais bon, voilà, je pense que ça s'est rabiboché. Et Bah, elle a quand même mis de toute du temps façon, à obtenir ce qu'elle voulait, donc c'est pour ça, elle l'a eu il y a que 1 an, je crois, à peu près. Donc c'est pour ça que moi, ça m'étonnait qu'ils soient encore potes, quoi. oui, non, bien sûr, mais après. Techniquement, elle doit tellement à Tarantino pour sa carrière que. À part Pulp Fiction et Kill Bill, elle a rien fait, maintenant, on va pas se gâcher. Ben, c'est pour ça, sa carrière, elle doit à Ah ouais, Tarantino. mais non, mais du coup, elle a pas de carrière. Elle a fait 2 films, tu Ben, vois. elle a une Enfin, carrière trois. grâce à Tarantino, quoi. Ouais. Mais ça, Et mais par ouais, mais en contre, plus, le problème, c'est qu'elle a fait que 3 films, tu mais c'est du culte. sais. Oui. Tu sais qui c'est, sa fille? Ben oui, c'est la jeune dans Stranger Things. Ouais, et c'est la fille d'Ethanok aussi. Je savais pas que c'était ensemble. Ouais, Détanoc, quoi, ouais, c'est leur. Ethanok, Ouais, ils étaient il est mariés. moche comme un pouce, je sais pas comment il fait sa sauce, mais bon. Tant mieux pour lui, Bah, hein. Uma Thurman, elle est pas magnifique non plus. Hein. Elle est charismatique. Ethanok, il l'est plus Ouais, trop. elle a des pieds à chance du 46 déjà. C'est chaud l'affaire. C'est pas avec Ouais. garde ses chaussettes, on n'en parle plus, quoi. Ouais. Ah, oh, il y a 4 personnes sur le live. Bienvenue les petits potes, hein. On vous écoute si jamais vous avez des trucs à nous dire ou si vous voulez réagir aux Ouais. petites news de la Si semaine. vous voulez dire du bien de Disney, vous pouvez. Elle n'a pas fait une série pour Netflix, Yuma. Si, mais la série est nulle. Mais vraiment. J'ai vu 3 épisodes, je me suis Je arrêté l'ai là. regardé. Ah, Moi, je franchement, l'ai non. fini la série. Je l'ai carrément Alors? fini. Je suis allé au bout. Ah ouais? Et c'était épouvantable. Ah Ah, ouais. Alors, moi, je trouvais que les premiers épisodes, enfin, les 2 premiers, ils te mettaient une intrigue. Ils te mettaient. Voilà. Franchement, j'avais bien accroché au premier épisode. Je voulais aller au bout parce que je crois que j'ai pas eu le choix. Je crois que c'est ma copine qui m'a forcé à aller au bout. Donc on est allé au bout, mais franchement c'était nul et même elle avait pas aimé et franchement c'était chiant, c'était nul. Ethanok et Kalas en mode 24 heures limite, John Wick du pauvre, Romu nous dit. Ouais, tu vois, 24 heures limite, moi je l'ai vu au cinéma, parce qu'il n'y avait rien du tout cette semaine-là. Et bah. Classe, je sais pas, bon, franchement, son film préféré c'est Prédestination, pour moi. Tu l'as vu, Prédestination? Tu. Just qui Ah, tu me réfugié comme parles là, une statue! je t'entends plus. Je Ah, t'entends je suis plus. mort. Bah écoute, Qu'est-ce que tu m'as Romu, dit comme n'hésite pas à me connerie? répondre parce que je suis tout seul. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ok, je te disais, est-ce que t'as vu Prédestination? Ouais. Et t'as bien aimé? Oui, ça va, mais j'en ai un souvenir un peu flou. Je l'avais vu au cinéma, mais putain, bizarrement, je m'en rappelle quasiment plus. Ah, moi j'ai l'un Mais. pour moi c'est l'un des meilleurs films d'Ethanok. Après, je sais pas, hein, c'est Je mon t'entends avis. plus encore à nouveau. Hein. Ah d'accord, c'est que mon avis, c'est que mon avis. Mais Attends, ça écoute, bug. on va passer à la news d'après. Quand tu me réentendras, tu nous préviendras. Donc ok, bah écoute, pour Kill Bill 3, on va nexter, hein, comme on dit. Voilà. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ad Astra a été censuré par Disney. Ils ont censuré quoi? La scène avec les singes, j'imagine? James Gray a dû faire des concessions. En fait, non, mais. Non, mais si je t'annonce qu'ils ont censuré, tu vas faire un double AVC, t'es en direct, j'ai pas envie de me faire poursuivre en justice. C'est pas compliqué, la fin c'est pas la bonne. C'est clair et net. La fin, ce n'est pas celle de James Gray. Ah, carrément? Ah ouais. Ethanok, il a quand même joué dans le Ah, secte ouais, d'étoiles d'accord. disparues. Ouais, Romu, Eh mais oui, bon. attends, parce que Romu, il intervient, il nous parle d'Ethan Hawke, je veux juste rebondir. Mon film préféré avec Ethan Hawke, c'est Training Day, pour moi, perso. Enfin, Ah oui, ça vous le d'accord, dire, ok, je dois ouais. vous en parler. Ok, ouais, très bien. Bah écoute, ouais, voilà. Donc pour Ad Astra, en fait, le film n'aurait juste pas dû finir comme ça. Et les scènes de fin sont dans les bonus des Blu-ray et des DVD. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que Ad Astra est entré en pré-production et en production. Enfin, je dis si tu veux, mais pour tout le monde, hein. En pré-production et en production avant le rachat de la Fox par Disney. Et quand la Fox a été rachetée par Disney, le premier truc qu'ils ont fait, c'est aller voir James Gray et lui dire. Tu fais ça, ça, ça, ça, ça, tu retires ça, ça, ça, ça, ça. Du coup, James Gray était là en mode bon, bah ok, bah, mon film il est victime du rachat. Malheureusement, c'est comme ça, j'essaie quand même de faire le maximum, mais c'est compliqué. La fin, voilà, si vous voulez savoir la vraie fin que James Gray avait prévu? Enfin, qu'il avait prévu, qu'il n'a pas pu mettre en tout cas. Just, il me regarde en mode Ouais. oui, je veux savoir. Donc, en fait, le film est fini. Déjà, il y avait une grosse scène avec Liv Tyler. Donc sa femme dans le film, et ils avaient une fille. Donc ça change carrément Ouais. tout pour moi au développement du personnage. Bah carrément, ouais. Ça change tout. Et donc voilà, malheureusement Disney arrive et fait de la merde. Peut-être qu'un jour on poussera un énorme coup de gueule sur Disney, on fera une vidéo de 4h50 et puis on l'enverra à Bob Iger, le PDG de Disney, parce que... Bah il y a un moment où on en a marre de manger du caca quoi. Non, mais en plus, c'est quand même incroyable parce que tu as quand même James Gray qui est un véritable auteur, quoi. En plus d'être Clairement, quand même un clairement. Bah quand tu vois réalisateur, Ad c'est Astra, vraiment un clairement. auteur et tu lui changes carrément la fin de son film, mais c'est quand même assez aberrant. Alors, du coup, ben, de toute façon, le Blu-ray, j'ai déjà commandé, donc je le recevrai, enfin, je l'ai précommandé du moins. Et du coup, ben, je vais me sauter sur les bonus ben, pour voir. Tu vas te sauter sur les bonus? Je sais pas si c'est dans les bonus français, mais c'est dans les bonus US en tout cas. Ouais, bon, je pense qu'ils vont les mettre dans les Français aussi, j'imagine quand même. Ouais. Mais en tout cas, c'est incroyable, quoi. Et Ah c'est... Je comprends pas. des fois, tu vois, en plus, je vais dire quelque chose, j'avais beaucoup aimé Ad Astra, hein. Mais je trouvais que la fin, il manquait un petit quelque chose. Tu vois, je l'avais mis, hein. J'ai fait une critique Ouais, moi aussi je sur suis ma d'accord avec toi. chaîne. Et j'avais dit la fin, putain, mais en fait, c'est incroyable que là, avec cette news, parce que limite, je m'étais dit, mais t'as l'impression qu'ils ont cuté un truc ou qu'ils ont enlevé quelque chose. Tu Ouais. vois, je m'étais dit, mais. Il manque un truc à ça parce que le film il te monte tellement crescendo en émotion, tu te dis putain qu'on va arriver en haut, ça va être fort, c'est incroyable, et en fait ça retombe et tu dis limite il manque Ouais, je suis un d'accord bout avec du toi. puzzle quoi. Je suis d'accord avec Et toi, mais bah écoute, putain, on bah sait où il est voilà. passé, c'est Disney qui l'a fourré dans son cul et qui est parti avec. Et en plus, du coup, ce que je pense, c'est que là on a vu que Brad Pitt il n'était pas nominé pour le film Ad Astra, t'as vu dans les nominations et tout ça, il est boycotté, il a les nominations pour Once Upon a Time in Hollywood, mais pas pour Ad Astra. Ouais. Et c'est sûr que s'ils lui ont pu se couper la scène, ou peut-être c'était fort émotionnellement, où il y avait vraiment quelque chose de fort à jouer, ah, il s'est fait doublement léser, le pauvre garçon. C'est Après, incroyable. Romu qui dit Disney massacre les œuvres, ça me fait peur. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, Romu. Maintenant, est-ce que par exemple, je me demandais, alors je sais pas si oui ou non, vous allez peut-être savoir. En fait, je pense qu'on n'a pas l'info. Est-ce que aux Oscars, chaque studio de cinéma n'aurait pas un quota limite de représentants? Et Disney, du coup, comme ils sont partout, bah, ils peuvent peut-être pas tout présenter, tu vois. Et vu qu'ils veulent faire passer leur Marvel. Oh, pardon. Non, je suis pas Non, sûr tu penses parce pas. que justement, C'est une vu qu'ils question que je sont me partis, pose. ils ont pas un nombre. Ouais, non, bah non, parce que vu qu'ils sont justement de partout, il n'y a pas de truc limite, quoi. Non, je pense que le jury il juge par rapport au film qu'on leur envoie. Et non, je pense pas qu'il y ait un nombre limite. Hein. De toute façon, ils sont partout maintenant, donc. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah c'est un peu. Tu sais que l'Oscar, bientôt, ils vont le changer. Hein. Ça va être un petit Mickey Mouse et ça va être ça, la Peut-être statuette, si vous voulez. le Mickey Mouse, le prix Mickey Mouse. Oh le drame! Oh le drame! Bon, bref, passons à la news suivante. Ouais, Oh, c'est j'espère qu'on va pas tomber vraiment. sur Disney. Hein. Ah! On Bah, passe au stop trailer de même. la semaine. Et on va commencer par Ah. le trailer slash teaser de Dracula. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, j'ai trouvé que la bande-annonce, elle était assez viscérale. Il y a des plans qui sont même un peu dégueulasses. Je pense qu'il y a un plan avec un ongle qui se tourne, là. C'est totalement dégueulasse. Donc j'ai trouvé que c'était assez viscéral et que bah pourquoi pas. Alors sur le papier, c'est pas vraiment mon genre, mais ça, cette phrase, je préfère te prévenir. Sur les 6 bandes annonces dont on va parler, je vais te dire cette phrase. Ah là, ce matin, quand j'ai dû regarder les bandes annonces que tu m'as pondues, j'étais au bout du rouleau. Ah, mais il Mais faut bon, parler en d'un tout peu de tout, cas, donc pour c'est le normal. coup, le Dracula Netflix, eh ben pourquoi pas. Disons que je garde dans un coin de ma tête, parce que je trouvais que la bande annonce était assez bien foutue. Attends, moi il y a un truc que j'adore en tout cas dans la com de Creepy Trailer, ouais, je suis d'accord avec toi, Romu. Il y a un truc que j'adore dans la com de Netflix, c'est qu'ils te balancent des infos juste avant que la série sorte. Genre là, 4 janvier, on n'attend pas beaucoup, et ça, c'est trop trop bien. Quand t'as hypé par un truc, t'as le truc trailer qui tombe 2 semaines avant, t'es là en mode trop bien, franchement trop bien. Moi j'adore ça, et je dis bravo à Netflix pour ça, Ça, c'est vrai. même si maintenant les 3 quarts de leur série elles sont quand même rincées quoi. Voilà, on balance les petits pics et on passe à la suite. Voilà, je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter. D'accord, Là, Antoine, ça vu fait 30 ton. secondes que je t'entends plus. Yes, ok, bon, bah, on va passer au trailer suivant du coup. Je parlerai tout seul, Romu, si t'as envie de réagir, n'hésite pas. Spanning Out, moi je devais te dire. Non, je sais pas, vas-y, je vais te laisser commencer. Spanning Out, Joss. C'est pas ton. Alors attends, c'est pas ton genre, je le dis pour toi, mais. Mais alors moi, Josh, en fait, j'ai eu un petit souci, c'est que ça m'a fait un peu penser à un mélange entre I, Tonya. D'ailleurs, il cite un petit peu l'histoire de Tonya Scherzinger dans la bande-annonce. Ça fait un Ouais. peu un mélange entre Black Swan et I, Tonya, j'ai l'impression, tu Ouais. vois. J'ai revu un peu des deux. Sauf que le problème, c'est que ces deux films, je les ai adorés. Donc, sur le coup, tu te dis, si c'est un mélange des deux, ben, je vais adorer. Mais j'ai trouvé que la bande-annonce, alors à part l'actrice principale, mais je trouvais que tous les acteurs secondaires, c'était ultra mal joué. Mais ultra mal joué. Alors, je sais pas si c'est à cause de la VF, parce que c'est les voix françaises qui étaient pas top, ou j'en sais rien. Mais quand j'ai vu ça, je dis, il y a deux, trois scènes, deux, trois répliques, où j'ai dit, mais c'est horrible. Et bah, du coup, ça sera sans moi. Ok, bon je te casse pas. Romu qui nous sort un. Alors Dracula c'est pas le créateur de Sherlock, je crois que c'est les créateurs, il me semble qu'ils sont deux. Mais oui totalement, donc ça peut donner confiance en effet. Et Romu qui nous sort un Kaya avec plusieurs A. Moi je suis d'accord avec toi aussi, je pense que Kaya, je sais pas toi ce que t'en penses Joss, mais Kaya va faire beaucoup je pense dans le visionnage ou non et dans la continuité ou non de la série. Donc pourquoi pas. Moi c'est pas que je suis pas Indéniablement. spécialement d'accord avec toi, c'est que j'ai pas spécialement remarqué qu'il y avait un problème au niveau des acteurs. Maintenant peut-être que j'ai pas vu, mais moi ça m'a pas Ouais, plus ben moi choqué je que pense ça. ça m'a. Donc franchement je vais la regarder personnellement, voir ce qui se passe. À toi, Parce que ça t'a donné envie. ouais, franchement ça m'a donné envie. Ouais, en fait c'est le petit côté Black Swan qui me donne vraiment envie. Le patinage, je m'en tape un peu le coquillard, je t'avoue, mais le petit côté Black Swan il me donne bien envie. Et donc là, tu m'entendais pas, donc on va passer directement à la suite. Non, ça fait là encore trop. En fait, le problème, c'est des fois, je t'entends nickel et des fois, pendant 30 secondes, je vais plus du tout t'entendre. Mais plus du tout, hein. C'est ta go qui saute, c'est pas grave. Je vais animer le live tout seul, t'inquiète pas, mon super pote. Mon super pote, le pilier, hein. Vas-y, tu vas. Hop, chacun son pilier, frérot. Allez, next. Ouais. Ophélie, Daisy Ridley, Naomi Watts et Clive Owen. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Bah, casting intéressant, quand même, déjà sur le papier, Mais c'est c'est pas ton un bon genre. casting. Non, bah, pour le coup, alors de base, toi, tout ce qui est style médiéval, tout ça, c'est pas trop mon délire, mais par contre, j'ai trouvé que la bande-annonce était très bien faite. Et la bande-annonce m'a d'ailleurs bah, assez donné envie, et du coup, non, c'était. Bah, je crois que c'est ma bande-annonce préférée de la matinée. Ok, Et de bah la écoute, semaine, du coup. il y a un gros côté Marie Stuart, Reine d'Écosse, hein, même au niveau de l'affiche, non? Oui, carrément, ouais. Carrément, Très ouais. proche. Ouais. Peut-être une inspiration, je sais pas, c'est produit par qui? C'est produit par des gens nuls. Donc, passons. La chanson utilisée dans la BA est top. Tu parlais pour Spinning Out? Ouais, Ouais. elle donne bien envie, moi, je pense. Bon, bah, prochain trailer. Alors, j'ai écrit trailer Dracula, mais comme vous voyez, l'affiche, c'est pas du tout Dracula. Donc, ça, c'est un petit mystique. Hein. Abigail, le pouvoir de l'élu. Ça, c'est le petit nanar de la semaine. Il en fallait un, on se fait plaisir. C'est produit par Condor. Les mecs, ils ne produisent pas grand-chose d'intéressant. Joss, toi qui es l'enculateur de bande-annonce, comme on t'appelle, vas-y, je te laisse la défoncer. Ben alors moi, non franchement, dans les notes que j'ai écrites, c'est assez gentil. J'ai dit, ça me dit rien, c'est pas pour moi, c'est pas mon style. Et l'impression d'avoir déjà vu 200 fois ce genre d'histoire et toutes ces situations. Parce que dans la bande-annonce, on voit quand même beaucoup de choses, je trouve. Et toutes les situations qu'il y a, on les a déjà vues, mais 200 fois. Donc vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Même le nom du truc, Abigail, ça m'intéresse pas du tout. Abigail, Ça, c'est peut-être un en problème de 2018. traduction aussi, hein. En France, on est Ouais, pas très fort. mais. Ça ne me dit rien du tout. Voilà, vraiment, j'ai trouvé ça déjà vu, revu. J'ai l'impression d'avoir un vieux truc recyclé, ça m'intéresse pas. Alors, je sais pas si tu vas être. Ça fait steampunk nanar. Alors, peut-être pas steampunk, Oui. mais ça fait nanar, Ouais. c'est vrai. Ma bien que les effets spéciaux avaient l'air relativement bien foutus dans la bande-annonce, pour moi, c'est un mélange, un parfait. Imparfait, lol, je vais retirer ce mot tout de suite. Pour moi, c'est un mélange entre le jeu vidéo Dishonored et la série à la croisée des mondes. Pour moi, c'est exactement Dishonored, je suis ça. d'accord. Et à la Sacré croisée des Dishonored, mondes, surtout les masques. Ouais, et les pouvoirs un petit peu. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, c'est un mélange entre voilà Dishonored et à la croisée des mondes. Bah écoute, si jamais on est enfermé pendant une semaine et qu'on a rien à faire. Non, en fait, Ouais, même c'est pas, laisse vraiment tomber, le en fait, bout du même pas. rouleau, Non, quelle non, même. coupure. Non, franchement, même pas. Ouais. Je crois pas, non. Franchement, tu sais. On téléchargera autre chose, hein. Pardon, Ah pardon, non, même pas pour. on achètera autre chose. On achètera autre chose. Ouais. Bon, vas-y, passons à la prochaine, ça devait être la moins intéressante, celle-là. Le cas Richard Jewell, on en a déjà parlé sur la chaîne. Il y a un nouveau trailer qui est sorti. Bah écoute, je vais te laisser prendre la parole en première. Ben, moi, ça me hype parce que ben, Clint Eastwood, ça me hype. Après, je trouve que la bande-annonce, elle est très efficace. Un peu répétitive, par contre, la bande-annonce, je trouve que. Tu Attends, vois, il y a. excuse-moi. Romu qui dit c'est Mila Jovovich, l'actrice principale. Tu veux dire. Mais de qu'est-ce qu'il raconte? Romu, arrête la drogue, Non, Romu, là, il est en train de se faire hein. un rail de coke dans son truc. Non, non, pas du tout, non. Si tu parles de l'actrice sous le masque, peut-être. Mais enfin, elle a bien fait de se cacher dans ce cas-là. Ah ben bah peut-être qu'elle a fait dans le Mandalorian aussi, non? C'est peut-être Mila Jovovich aussi, du coup. Hein. Il y a Ouais, moyen. C'est peut-être pour ça que le personnage a aucun charisme. c'est pour ça. En fait, c'est un vieux Resident Evil dans Oh là là, je l'espace. suis mort. Non, moi j'aurais plutôt dit Ouais. que c'était la sorcière d'Hellboy, hein. Ouais aussi, ouais, Romy qui c'est nous met ça. un point d'interrogation en mode vous voulez quoi, bande de connards? Bon. Bon, en tout cas, pour revenir à Clint Hop, Eastwood, pour parce revenir que avec aux vraies Richard Jewell. infos, là. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, je trouve la bande-annonce un petit peu répétitive, mais que sinon, bah, ça donnait envie, c'est intéressant. En plus, histoire vraie, on sait que Clint Eastwood, il aime bien traiter ce genre d'histoire, ce genre de choses, avec un personnage un petit peu persécuté, un petit peu voilà, en difficulté. Donc, du coup, moi, ça me hype, j'ai vraiment hâte de le voir. Et puis, il faut un peu profiter de Clint Eastwood. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Ouais, on peut quand même se poser une question au niveau de la qualité du film, parce qu'il enchaîne tellement que ça devient compliqué de suivre, de 1, et de 2, alors il y a un très bon casting, ok, très bien, Sam Rockwell notamment, que moi personnellement j'aime beaucoup, et John Hamm aussi, maintenant Clint Eastwood c'est un peu toujours les mêmes histoires, hein. Il adore les biopics. Voilà, c'est un poil répétitif, c'est ce que je veux dire. C'est le genre d'histoire même qu'il maîtrise, parce qu'il a déjà fait plein de fois des histoires comme ça. Mais après, moi, pour le coup, ça m'intéresse parce que, alors peut-être qu'aux États-Unis, ils en ont beaucoup plus parlé que ça, parce que ça s'est passé là-bas, mais moi, perso, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Moi non plus, ouais, non, ça doit être ça passé Donc, là-bas. du coup, ça nous donne un côté un peu intéressant, parce que ça a l'air assez grave, hein, quand tu vois la bande-annonce, les accusations qu'ils font à ce pauvre mec, ça a l'air assez incroyable. Et après, Donc, du coup. peut-être que la mise en scène essaie de nous tromper et le montage aussi, mais j'ai l'impression qu'on a déjà la fin. Ben, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de suspense, hein. On a l'impression que oui, on sait déjà ce qui se passe, mais Voilà, donc peut-être après. qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation. Je ne sais pas, parce qu'après, l'acteur principal, c'est celui qui jouait dans Etonia, non? Le dodu? Ouais. Il y a moyen, ouais. Mais Et ouais, je sais pas. lui, je l'ai vu deux, trois fois, il fait toujours des rôles d'enculé. Donc, du coup, Ah, tu penses? est-ce qu'il n'y a pas un petit anguille sous roche? Bon, après, au vu de la bande-annonce, on ne dirait pas parce que c'est lui qui sauve les gens et il se fait accuser après derrière. Mais est-ce qu'il n'y a pas, toi, un petit lapin Alors. sous dans le chapeau? On va savoir. Un petit lapin sous l'anguille. Voilà, Toujours, sous Romu qui nous l'anguille. dit, toujours ce côté patriotique dans ses films. Ah, ça, c'est clair. La remarque est bien parce qu'en fait, ça vient de me faire réaliser que Clint Eastwood il a jamais mis en scène des connards en fait. Donc pourquoi son personnage principal ce serait un connard? Pas pour changer, pour une fois, justement. Clint Eastwood qui change, ouais, mais non, mais à qui tu vas la faire là, Ouais, il est pas oh? très pro-changement, ouais. Non, non, clairement pas. Mais c'est vrai que bah, Clint Eastwood est patriotique, hein. Bah, après c'est un papy qui a fait la guerre donc c'est normal aussi, hein. Ouais, puis il est très, même politiquement et tout, il se cache pas, quoi. Il dit qu'il est pro-républicain, Ah, oui, qu'il est. clairement, Voilà, il se clairement. cache pas. Ouais, clairement. Bon, bah écoute, on passe aux sorties de la semaine. On va commencer par quoi? T'as une idée? Putain, qu'est-ce qu'il va me faire? Le Non, petit je sais écran. pas. On a le petit écran là en premier. Ah, c'est Underground? Ah non, ça s'est sorti la semaine dernière du coup. Ah oui, c'est sorti la semaine dernière. Bah Bah, je sais pas qu'est-ce qui sort cette semaine. Alors, The Witcher, peut-être mon petit moi. pote. Ah oui, en effet, putain, c'est Y vrai. en a, C'est vrai. y en a 3 hein, de petits écrans. Hein. Alors que d'habitude, il n'y en a qu'un. Ah, bon, The Witcher, grosse hâte. Grosse hype, un peu de tout. Ouais. Bah écoute, ah ouh, pardon. T'es chaud là du coup. Je sais pas si on a grand Ouais, chose à ça en dire sort de quand ça? The C'est Witcher. vendredi ou samedi? C'est vendredi, Le 20, c'est quand? dans 5 jours, Vendredi? ouais. Ah bah vivement. Franchement, vivement. Ouais, c'est vrai pour le coup. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que selon toi, la série va être à la hauteur de l'attente générale? Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est que quand il y a trop d'attentes, on est souvent des fois un petit peu déçu, tu vois. Mais bon, Salut Tom. là, quand même, ça a l'air d'être assez bon, ça a l'air d'être assez bien incarné, et je pense que quand même, on peut avoir quelque chose d'assez génial. Puis en plus, quand même, Netflix, ils misent beaucoup, beaucoup dessus. Je me dis que c'est quand même pas pour rien. Donc, bon, j'y crois. Voilà, vraiment, j'y crois. Ok, alors seconde question. Le premier truc, alors moi je vais dire direct, je suis pas de cet avis-là. Le premier truc qu'on est ressorti, c'est qu'Henry Cavill n'était pas fait pour le rôle, quand ça a été annoncé, etc. Qu'est-ce que t'en as pensé au début et qu'est-ce que t'en penses maintenant? Ben, on en a déjà un petit peu parlé, je crois, la semaine dernière, parce que quand ils ont annoncé au tout départ Henry Cavill, juste le nom, je dis Henry Cavill, moi je l'aime bien, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à l'imaginer en Gérald. Mais après, quand il y a eu juste la première photo, c'est même pas une première photo, c'était la première vidéo où il avançait, là, écran noir, il avançait sa gueule en gros plan en tant que Gérald, il faut le dire, c'était dégueulasse. D'ailleurs, il y a eu un gros bashing derrière, mais là, à juste titre, parce que pour moi, honnêtement, c'était mais horrible. Comme j'avais dit la semaine dernière, on aurait dit Legolas, quoi. C'était horrible. Par contre, après, avec le temps, son design est quand même un petit peu Son évolué. design, on On a dirait vu ça. les. C'est un personnage de Non, BD, le mais mec. il était tout propre. Tu vois, là, après, quand on le voit après, ils l'ont un peu sali, ils ont mis une cicatrice, Ouais, ils ont mais mis un truc. ça est-ce que c'est pas le problème de la confiance dans les studios, quoi? Ils ont sorti une image, ok, mais justement, est-ce que ça ferait pas un peu Sonic en mode on te sort de la merde, on te sort un truc qui est en début, et à la fin, comme ça, t'es encore plus surpris, tu vois ce que je veux dire? Peut-être parce que mine de rien, le bashing, ça fait parler. Et du coup, on a énormément parlé de The Witcher, parce qu'il y a eu un bashing quand même assez incroyable sur Internet. C'était la tollée. Et après, au final, bah, il s'est passé l'inverse, du coup. Parce qu'après, au final, il y a eu les premiers visuels, on a dit, ah non, c'est pas si mal. Jusqu'au dernier trailer où tout le monde dit, mais c'est incroyable. Donc, du coup, ouais, c'est peut-être maintenant une com de montrer de la merde au début pour monter la tension crescendo et montrer que finalement, il y a quand même de la qualité derrière. Peut-être, je sais pas, mais en Et tout cas. La hype, elle monte de semaine en semaine. Ils ont mis à chaque fois des petits trailers, des petites bandes annonces, des petits trucs. Et ils ont quand même bien géré leur com. Les premiers retours de la presse, ils sont assez positifs. Et du coup, ben, ouais, ils ont bien monté leur truc. Ils ont bien fait monter la sauce. Et ouais. ça fonctionne. Le Hein. signe du projet qui nous dit qu'il a pris encore plus de masse que pour Man of Steel. Donc juste pour voir Kevin méga musclé de fou, je vais regarder, il a dit. Ah ouais, bah ouais, c'est. T'imagines, il est encore plus costaud qu'en Superman. C'est incroyable. Ouais, déjà qu'il était solide sur les appuis. Et par Ouais. contre, c'est là que tu vois les différentes coms de Disney. De Disney, oh là, oh là, non, de Disney racheté par Netflix. Oh là là. Netflix racheté par Disney. Ok, quel malheur, je vais en faire des cauchemars cette nuit. C'est là que tu vois vraiment les différentes coms en mode. Tu as Spinning Out et Dracula, ils te sortent un teaser 2 semaines avant. The Witcher et The Irishman, ils sortent 3 ans avant le projet. C'est pas le même budget, je pense aussi. Techniquement, ils sont obligés d'assurer quand même un minimum le coût, de Ouais. faire monter la hype et Oui, tout, non, tu parce vois. que tu vois, Six Underground, le projet qui était le deuxième plus cher après The Irishman de Netflix, il n'a pas été communiqué à l'avance. Hein. On Ah, pourtant, on l'attend depuis un moment quand même, a eu Six Six Underground, on a Underground. eu un truc qui disait on aura un trailer, on aura un film de Michael Bay sur Netflix. Ok, il y avait des gens contents, il y en avait d'autres non. Mais la bande-annonce, par exemple, elle n'est pas sortie 3 mois à l'avance, tu vois. Oui, c'est The sûr. Witcher, on a eu des teasers. J'étais pas né, hein. Ouais, ben, c'est parce que c'est vraiment sur quoi ils misent, quoi. Je pense que ils sont peut-être aussi à la recherche d'un gros truc, tu vois, d'un truc vraiment. Ils cherchent un petit peu leur Game of Thrones, leur truc vraiment qui va cartonner parce que la Casa de Papel, c'est bien gentil. Bon, moi, je trouve ça épouvantable, mais c'est pas ça non plus qu'ils cherchent, à un moment donné, la grosse série qui fait un buzz énorme. Voilà, ils veulent vraiment le truc qui fasse un buzz énorme, dont tout le monde parle, que tout le monde veut voir. Et du coup, bah, ils ont misé sur The Witcher, comme Prime, ils misent là sur Le Seigneur des Anneaux. Ah, on va Et y voilà. revenir. En Donc, news du de la coup, voilà, semaine. c'est. Ouais. Ouais, non, C'est mais je suis ça. Et d'accord puis avec toi, je suis après, d'accord avec c'est toi. dans un style. C'est pas dans le même style que Game of Thrones, mais c'est quand même dans un truc qui peut être un peu proche. Et donc, Heroic du coup, voilà, Fantasy? Non, mais totalement, c'est de l'Heroic Heroic Fantasy. Fantasy. Donc, du Ouais. coup, entre Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et The Witcher, voilà, chaque gros studio aura bah, son Heroic Fantasy. Et ça va être un peu la guerre entre les trois. Ils vont se tirer peut-être un peu la bourre. Bon, du coup, bon, Game of Thrones, c'est fini. Mais Ah, mais ils il y vont a la faire des série qui arrive spin-offs. en 2020. Et voilà. Et voilà, et du coup, ça se tirait la bourre. Et après, en espérant qu'ils se tirent la bourre au bénéfice plutôt la qualité, du coup, bah, tant mieux pour nous. Là où on est sûr, c'est qu'on verra jamais Disney dans la compétition, hein. Oula, oula, attends. Ils vont peut-être acheter encore un truc. On n'en sait rien. Oui, mais on sait très bien que ce sera rincé, tu vois. Enfin, on sait très bien qu'il y aura un Baby Yoda et tout le monde parlera que de ça et pas du scénario, quoi. Et ouais, mais comme je t'ai dit, le problème, c'est que ça marche. Hein. Mandalorian, les qualités, les critiques, elles sont... les gens, ils adorent. Donc. C'est dramatique, mais bon, bref. Je suis trop médisant, c'est horrible. Bon, bref, c'est juste un avis de toute façon. Mais pour en revenir aux séries Seigneur des Anneaux, tu vois que c'est l'acteur Will Poulter. Ouais. Il vient de se retirer du projet. J'ai vu, ouais, Je suis j'ai vu déçu de ça. ouf parce que moi j'adore cet acteur. C'est dommage et pas que c'est inquiétant, mais ça quand même soulève une question, pourquoi? Bah c'est bizarre parce qu'un acteur comme ça, qui a un minimum de carrière maintenant, quand tu vois que le mec il arrive à te faire des blockbusters, allez, entre guillemets blockbusters, Le Labyrinthe, et à côté de ça il te fait des films très indés comme Midsommar, et Ouais. le mec Et il se The retire... Revenant aussi, hein. Ouais, et The Revenant, voilà, ouais, c'est vrai. Et le mec il se retire d'une série comme ça. C'est la panique Alors, un peu soit on là, lui a non? proposé un truc encore plus gros et qu'un film ou quelque chose vraiment qu'il pouvait pas refuser, va savoir. Mais ça paraît assez troublant quand même, surtout qu'il commence à tourner bientôt. Ouais, bah la série sort fin 2020, donc oui. Ouais, donc là, ça va pas tarder à tourner. Donc oui, du coup, c'est assez surprenant, quoi. On n'en sait encore rien d'ailleurs, cette série-là, elle reste très mystérieuse, hein. Après, peut-être qu'ils sont pas encore eux trop sûrs d'eux. Non, je pense qu'ils vont... Ils vont faire monter le truc à partir de 2020, je pense qu'ils vont commencer à faire monter le truc. Ouais. Bon, passons à une autre sortie de la semaine. Qu'est-ce qui pourrait sortir demain soir? Demain, juste demain. Il y a quoi qui sort demain? Le film The Aeronauts sur Prime Video avec Felicity Jones et Diren Mayne. Ah oui, c'est vrai que ça sort demain, ça. Bah, à voir. C'est Amazon Prime, donc j'aime bien ce qu'ils font en général. Donc du coup, à voir. Felicity Jones, je l'ai trouvée excellente. Dans Dans quelques minutes après minuit. Donc c'est une actrice du coup que j'aime bien suivre de près parce qu'elle m'a livré une performance incroyable dans ce film. Donc du coup, bah, pourquoi pas, ouais. Alors après, je sais pas si je le regarderai demain directement. J'attendrai peut-être d'attendre un peu voir les retours, me faire un petit peu hyper, ou le contraire, mais je vais le voir, c'est sûr. Je vois que la date là sur l'affiche est le 20 décembre, donc si c'est pas demain, ça sera le 20 décembre. Mais normalement c'est demain. Bon Alors bah. je dis ça, peut-être qu'en France c'est demain et là-bas le 20 décembre, je sais pas, bizarre. Non, c'est bizarre, hein. Pour moi ça va être une première dans le sens où l'un des plus gros films d'Amazon Prime, le plus gros film d'Amazon Prime. Alors il y a de la com nulle part, ça c'est incroyable, je sais pas trop Ça, pourquoi. c'est vrai. Mais deuxième chose, film est nominé, le film est pressenti aux Oscars pour meilleurs effets visuels, donc déjà il y a moyen qu'on se prenne une petite baffe, hop, comme ça là, je me la mets pour demain. Et puis un gros casting et une histoire du jamais vu, un truc, enfin pas du jamais vu, je crois que c'est une histoire vraie, ouais voilà, inspirée par une vraie aventure. Et moi ça donne envie parce que c'est très original, un gros casting, un nouveau studio et ça va peut-être pressentir pour l'avenir des productions Amazon Prime. Non, oui, carrément. Donc Bah, moi, ouais, hypé. t'as tout dit. C'est vrai que oui, ça peut. J'espère, franchement, j'espère prendre une bonne claque. Et en plus, je savais pas qu'il était nominé aux Oscars. Enfin, bien pressenti On comme l'a nominé dit aux la semaine Oscars. dernière. Mais Ah c'est ouais, pas grave, bah, t'inquiète, j'écoutais t'inquiète, pas. c'est pas... Ça a dû couper, Et on a dû couper. bah, du coup, non, c'est. Bah, du coup, bah, très bien. C'est. J'espère que ça sera au niveau de ce qu'on peut en attendre. Ouais, et bien justement, Amazon Prime, un film qui est sorti aujourd'hui, qui a été racheté. Alors moi, je suis méga content. Alors, tu l'as peut-être pas vu, donc je te le dis. On a parlé d'un film récemment qui est passé une fois au cinéma chez nous. Une petite comédie comme ça à la Shaun of the Dead. Est-ce que t'as une petite idée? Ah, c'est ton film de zombies avec, comment ça s'appelle? L'Hôpital Nyango? On en a parlé il y a 3-4 semaines. Ouais, c'est ça. Le film a été racheté par Amazon Prime et il est dispo à partir d'aujourd'hui sur Amazon Prime Vidéo. Donc moi, bah, je vais aller le regarder en fait. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. C'est bah, bien joyeux. Tu rachètes un film comme ça. Moi qui voulais le voir, tu vois, j'avais pas envie d'attendre. Il est passé au cinéma une fois. J'étais pas dispo, donc j'ai pas pu aller le voir. Mais j'avais pas non plus envie d'attendre X mois pour le voir, tu vois, Mais en du coup, plein. ça annonce quand même un peu un fiasco, non, ce film, du coup. Non, je pense surtout Ça fait peur, cette que. histoire, hein. Bah, les retours sont plutôt très bons hein, de mémoire donc Ouais. attends 2 secondes je vais passer sur tac Parce qu'un film qui sort au cinéma une semaine, qui l'enlève et te le mettre un mois après sur Amazon Prime, sur le papier, ça sent pas très bon, quand non même, hein. non C'est pas c'était une très... séance exceptionnelle je pense que le film n'était pas Ah, conçu pour les d'accord. salles de cinéma en Ah, fait c'est ok. parce qu'il est produit par je crois qu'il est coproduit par CGR et du coup ils ont fait une séance exceptionnelle dans leur Ok, là c'est autre chose, ok. Bon, alors attends, je regarde juste le score Rotten Tomatoes pour te dire ça tout de suite. Ouais, mais Roten, ils mettent 98 à tous les Disney. Donc... Quoi? Allez, dis-moi, 20. Non, mais purée. 100%. Non, mais il y a 100%. quoi? Il y a 3. Et alors, il y a 9 Il y a combien avis de votes? vérifiés, 100%. Et le tomatomètre, pour 112 personnes, il est à 80%. Ouais, donc bon, quand même, plutôt positif. Donc, ah bah tiens, on a The Aeronaut juste à côté qui est à 72%. Bon. Non, 94%, pardon, pour 32 avis vérifiés. Ok, bah écoute, ça pressent que du bon. De toute façon, j'ai envie de te dire, attends, t'es passé où là? Je te vois plus. Attends, deux spi, hop, t'es où là? Comment on fait déjà? Comment on Tu me fait vois là? plus. Attends, c'est parce qu'attends. Je sais plus. Tac, c'est bon, je t'ai retrouvé, t'es là. Hop, et je repasse sur la scène des caps. Voilà. Donc je disais, bah, pour moi, c'est du. Ok, Google, calme-toi. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur. C'est quelqu'un sur la vidéo parce que je sais pas si une personne c'est toi ou si c'est Romu. Donc Romu, n'hésite pas à réagir si jamais t'as envie de le voir. Parce que je crois qu'on en avait déjà parlé. Et non, mais pour moi, c'est. Franchement, c'est bien joyeux de le mettre, quoi, en fait, tout simplement. Ça mange pas de pain, comme on dit. Bah ouais, bah c'est bien. Voilà, bon, écoute, on va Bah, je passer à la regarderai suite. aussi, hein, de toute façon, donc très Ouais, bien. moi je t'en dirai des nouvelles. On fera peut-être une petite critique un de ces quatre. Avec On fera Six peut-être une petite Underground critique, un de et ces The quatre. Mandalo. Allez, hop, sortie de Bah, la c'est ça semaine! de rien si j'arrive à le regarder sans m'endormir. Ouais. Ouais, voilà. Bah écoute, Star Wars 9 qui sort mercredi. Ah ouais. On en parle pas spécialement. Je sais pas pourquoi. La hype est pas l'air pas plus que Alors, ça. Donc toi, ben ouais, j'ai qu'est-ce que tu vas faire l'impression toi? qu'il y a... Ben moi j'y vais, ma séance elle est déjà réservée, j'y vais mercredi soir, voilà, parce que moi je suis fan de Star Wars et j'ai quand même envie de voir comment ça se conclut. Voilà, normalement c'est la conclusion ultime des Skywalker, il serait d'ailleurs un petit peu temps que ça se finisse avec cette famille. Mais bon, du coup j'y vais, après il y a JJ Abrams, j'ai quand même assez confiance Oh, en JJ pardon. Abrams Ouais. et je suis quand même curieux de voir comment il va rattraper le scénario, comme il va... je suis très curieux de voir ça. Et donc du coup voilà, j'y vais, j'ai envie de kiffer quoi, j'espère que je vais kiffer. Mais bon, il n'y a plus de hype quoi. Disney a tué la hype Star Wars d'une façon assez incroyable. Avant, quand il y avait un Star Wars qui sortait, mais limite j'avais une boule à l'estomac une semaine avant, j'avais tellement hâte, c'est un peu comme quand un Batman sortait, tu vois, une grosse hâte, comme un Christopher Nolan qui sort, tu vois, j'ai hâte. Là franchement, il sort dans, bah, dans 4 jours. J'en ai, même dans 3 jours, on est dimanche, j'en ai strictement pas rien à faire, mais il pourrait sortir dans 2 semaines, bah j'attendrai 2 semaines, tu vois. Pour Voilà. le coup, je comprends pas trop. En fait, je pense que The Mandalorian déjà prend beaucoup le Par dessus contre, sur Antoine, la là, je com. t'entends plus. Ah, c'est bon, je t'entends, Ah, pardon. Je je t'entendais disais, plus du tout, j'ai eu peur. par contre, j'ai l'impression que The Mandalorian prend pas mal le dessus sur la com de Disney et efface beaucoup de films. Donc, bah, Disney, mine de rien, ils ont l'air de faire plein de trucs. J'ai l'impression que leur com elle est à revoir, peut-être un petit peu, au niveau de leur production. Voilà. J'ai envie de te dire, on verra ce que ça donne. Moi, je suis hypé, mais maintenant, je sais même pas si je vais aller le voir mercredi ou pas, quoi. Ouais. Ben non, ouais, voilà, je vais le voir mercredi, j'espère vraiment apprécier, D'après, mais... alors c'est peut-être de la com, mais d'après, je sais plus qui, quelqu'un qui disait qu'il y avait un bon gros twist et que la fin était bien pour la saga. Ah, c'est peut-être un coup de Ouais, com, c'est ce que évidemment, j'ai mais lu. coup de com entre guillemets, puisque personne n'en parle, donc voilà. Après, quand tu vois... comment il s'appelle? John Boyega, l'acteur qui joue au film? John C'est Boyega, ouais. ça, John Boyega? Boyega. T'as inversé les deux syllabes. Ah ouais, pardon, oui. Bah, je sais pas si t'as vu là, les déclarations qu'il a fait, mais il a un petit peu fracassé l'épisode 8. Ouais, j'ai vu. En disant que, bon, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas vu, il a critiqué, il a dit qu'en gros, les acteurs, ils n'étaient pas du tout d'accord avec le scénario de Ryan Johnson, qu'ils n'étaient pas d'accord sur plein de choses, qu'ils étaient assez distants du truc et qu'ils ne comprenaient pas ses décisions. Bon, du coup, ça me rassure parce que je me dis, ils ont vécu la même chose que nous, tu vois, que nous, en tant que spectateurs. On n'a pas compris ce qu'il a voulu nous faire, ce con. Et voilà, après, le truc, c'est comment JJ Abrams va rattraper ça. Je pense qu'il a la qualité pour le rattraper, mais j'ai peur qu'un film, ce soit trop court pour rattraper tout ce qui a été fracassé, et surtout tout ce qui ne s'est pas passé dans l'8. Parce qu'au final... Et puis au final, c'est là qu'on voit la bêtise de Disney de mettre deux réalisateurs sur une trilogie. Réfléchissez 2 minutes, Mais les ça, gars. c'est une connerie ultime. C'est une Alors, connerie à ultime la de faire base, ça. ils étaient trois réalisateurs, sauf que bah, le dernier réalisateur, je sais plus qui c'était, il a compris que ça partait vite en couille, il s'est dit, ah, je menace à vous, les gars, démerdez-vous. Et ils ont repris DJ Abrams. Mais. On sait pas qui c'était le troisième. Alors, peut-être qu'on le sait, mais attends, bah, je repasse hop sur l'écran, tac, et je cherche. Ouais, ce serait bien de voir qui c'est le troisième, si on... Bah, s'il écoute, est c'était connu ou si David c'était un. Fincher. C'est fou. Oh, bizarre. Tac. Ah, bah, c'était pas compliqué. Ok, bah, toi, tu vas kiffer en plus. C'était qui? Colin Trevorrow. Ah ouais. Quoi? Ah ouais, bah ouais. Quoi? Ben après, il avait un sens parce que Colin Trevorrow, il a fait Rogue One Attends, j'ai pendant le l'impression futur que Jurassic World. les cams ont freeze. Ah, tac, tac, tac, tac, tac. C'est bon, pardon. Il a fait genre. Non, mais voilà, il a fait Jurassic World, il fera le 3 aussi. Ah, bah, on a encore deux réalisateurs sur une trilogie, mais c'est quoi cette merde? Et Pour oui, alors Jurassic après, pour World. le coup, pour Jurassic World, Bayona et Trevorrow, ils ont Oui, fait leur il truc un petit peu indépendant, chacun de leur côté, mais Mais il devait s'entendre ils au se sont moins. quand même un peu consultés. Trevorrow était très content de ce qu'a fait Bayona pour le coup. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais bah écoute, dans tous les cas, on verra ce que ça donne. Mais en effet, j'ai bien peur qu'ils On aient verra tué ce que ça donne. leur truc quoi. Sans parler du Mais fait oui, que, c'est débile. sans parler du fait que, pour moi, presque l'échec de Game of Thrones, c'est lié à Disney. Hein. Parce que les deux pélos là, les deux showrunners là, Benioff Ah et oui, ils se sont barrés. ils se sont en plus barrés de leur projet Star Wars. Mais Disney, ils Et sont en en train plus de... pour se rebarrer, ouais. Disney, C'est ils sont en assez train de tuer le incroyable. cinéma. C'est horrible. Bref, sorti de la semaine d'après. Hop, pardon. Bah, The Lighthouse! Eh oui, The Lighthouse! On n'allait pas l'oublier, Et évidemment. ouais. Nominé pas mal de fois d'ailleurs au Golden Globes, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais, nominé au Ouais. Golden Globes. Réalisateur de The Witch, qui était un excellent film avec Anna Taylor-Joy, tu l'as vu? Bien sûr. T'as aimé? Très très bon. Ouais, Ah, j'ai t'as aimé. adoré, ouais. Ok, d'accord. Et écoute, pour moi, The Lighthouse, y a aucun doute que ça sera bon. En fait, c'est tellement atypique d'un paysage cinématographique américain que ça sera bon, forcément. Dans le sens où le film n'aurait pas eu autant d'écho, le film en serait pas là si le film n'était pas bon. Oui, non, mais c'est clair. Puis en plus, quand tu regardes même sur les sites un petit peu de notation, même différents, il a toujours une très bonne note. J'en entends que du positif. Après, il n'est pas accessible à tout le monde apparemment, parce que c'est Ah très, ouais, très clairement. bavard, c'est The très Witch aussi, c'était pas contemplatif. accessible à tout le monde, hein, pour moi. The Witch, c'est déjà pas accessible à tout le monde, exactement. Donc moi, j'ai quand même hâte, parce que j'ai hâte de voir Robert Pattinson et William Dafoe se renvoyer un petit peu la balle, quoi, vu que je crois qu'il n'y a que ces deux acteurs dans le film. C'est les deux dans le phare et c'est tout. Ouais, probablement. Donc du coup, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le seul hic, c'est que j'ai peur que moi, il ne soit pas diffusé. J'ai peur de ne pas pouvoir le voir. Ah, en effet, ça risque de poser problème. Parce qu'apparemment, il paraît qu'il n'est pas non plus ultra distribué Ah non, de mais partout, non, que c'est non, un mais peu clairement pas. compliqué. C'est Et A24, moi, tu je pense sais, que... Ouais, donc c'est les distributeurs de ouais. Midsommar et ce genre de trucs. Et en général, c'est pas super bien distribué, quoi. Donc ouais, moi j'ai peur que du coup, ouais, j'ai peur de ne pas Mais pouvoir le voir au cinéma, ouais. malheureusement. Peut-être qu'un jour on fera un truc sur Midsommar. Moi, je serais chaud de faire un truc avec vous sur Midsommar parce que bah, c'est une boîte qui produit, je trouve, que des bons films en fait, et à petit budget. Donc c'est le Blumhouse, mais du côté Du plus autoriste pauvre. de la chose. Et bah, toutes leurs prods en fait, c'est juste des dingueries. Pour moi, It Comes at Night, Midsommar, ce genre de truc en fait, c'est juste trop trop bien, je trouve. Donc voilà, peut-être qu'on parlera d'eux un peu plus en détail un jour. je vois que c'est une comédie noire. Moi, le truc qui me freine le plus, j'avoue, c'est le noir et blanc. Eh ben, moi, non, je trouve que ça donne du cachet encore, justement, tu Ouais, mais tu vois. sais, c'est déjà un huis clos avec deux acteurs excellents. Je crois que William Dafoe, il a une Ah, ben, c'est particularité lourd, en là, du plus. coup. Ça, du coup, ça donne du poids, c'est lourd, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je dis, Ah ça ouais. peut être accessible entre Ah ouais, le clairement, scénario ouais, qui bah a c'est ce que je dis, l'air moi. assez lent, assez truc, en plus, en noir et blanc, c'est, à mon avis, c'est soit tu rentres dedans et tu passes un excellent moment, soit tu rentres pas dedans et je pense que tu es au bord du gouffre. Hein. Je pense que tu passes 2 heures horribles, Bon, ben, pour le on coup. s'étonnera pas de voir des gens non cinéphiles écrire que c'est un navet partout parce qu'ils ont pas compris le film. Oui, après, tu peux être cinéphile et pas aimer le film. Hein. Non, mais Après, tu sais, voilà, des fois, mais tu peux passer à côté du truc et non, dire, mais bien sûr, bien ça sûr. peut arriver. Mais tu sais, il y a souvent pour Midsommar, hein, combien de gens j'ai vu dire c'est de la merde, c'est de la merde parce que les gens Non, s'attendent pas à ça mais en bien fait. sûr. C'est tellement atypique que les gens ils sont là en mode Il n'y c'est a pas quoi? longtemps. Mais je suis d'accord, regarde, je vais te donner même encore plus. Encore Midsommar, il peut être un peu plus accessible. Mais j'ai encore un meilleur exemple, je pense, que Midsommar, c'est A Ghost Story. A Ghost Story, pour moi, c'était incroyable. Et j'ai ma famille qui l'ont regardé, là, il y a 2, 3 semaines. Hein. Parce que sur mes conseils, moi je leur ai dit ouais, regardez et tout. Ah ouais, mais Mais ils m'ont toi dit t'es suicidaire que. aussi. Ils m'ont dit. Ils Ils t'ont m'ont dit? dit, mais c'est genre peut-être le plus mauvais film qu'ils aient jamais vu. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais, que pour mais il y a moi, une Ghost Story, sensibilité et soit tu rentres dedans, soit tu rentres c'est pas et incroyable. c'est mort. Et On n'a ouais. pas tous la même sensibilité artistique et c'est aussi ça qui fait qu'on a Bien tous des goûts sûr. différents. Mais après, Ouais, bien sûr. nous on a de la chance sur 7ème fréquence d'avoir une sensibilité qui se rapproche assez. Je sais que je crois qu'on mieux aimait Ghost Story, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'on a tous aimé Mother, enfin tu vois, il y a des trucs où Ouais. on se ressemble et c'est aussi très bien. Pareil, Mother. Moi, j'avais adoré, ma famille, ils avaient détesté, tu Ouais, vois. après Voilà, c'est moins pareil, bon compliqué d'accès, exemple. c'est juste tellement particulier en termes de mise en scène, de réal, de scénario, que soit t'adhères, soit Exactement. t'adhères pas quoi. Mais bon, bon allez, on n'a qu'à passer à la sortie. Ah bah non, on passe à la question de la semaine. Jusqu'où peut-on faire abstraction du scénario? Donc j'ai mis une image de Six Underground et je te parlais d'un autre film tout à l'heure, The Mandalorian. Jusqu'où peut-on faire abstraction du scénario? Pour moi, ça va être la question de la semaine. Est-ce que toi, tu aurais une petite réponse à me fournir? Évidemment, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, on n'a pas la science infuse, on va juste donner nos avis. On va pas, il n'y a pas de réponse universelle, évidemment, chacun son avis. Et nous, on va essayer d'en Ouais, discuter non. comme ça. Ça va peut-être lâcher 2-3 pics sur Baby Yoda et The Mandalorian, mais ça, vous avez l'habitude. Donc voilà. Et puis, on serait ravis d'avoir vos réponses et puis vos idées sur la question aussi. Donc, Joss, à toi l'honneur. Ben, je pense que le scénario d'un film, c'est essentiel. Après, si la réalisation, la mise en scène, l'humour est réussi, ça peut prendre un petit peu le pas sur le scénario. C'est-à-dire qu'il y a des films avec un scénario excellent que tu peux passer à côté parce que justement, il va te manquer la mise en scène, il va te manquer la réalisation, il va te manquer certaines choses. Après, à l'inverse, il y a des films excellents en point de vue réalisation, excellents, vraiment qui sont magnifiques, mais que le scénario, il soit vide. Il y a les deux. Je pense que pour moi, personnellement, il faut quand même un minimum de scénario pour que j'adhère à un film. S'il n'y a pas un minimum, je ne peux pas adhérer et c'est ce que ça m'a fait un petit peu, par exemple, sur Six Underground, Alors, pour le coup, Six où... Underground, on va y... Bah, tu sais quoi, on en parle, donc autant en parler maintenant. Six Underground, il y a un scénario maigre de chez maigre, mais il y a une histoire qui est prétexte, comme The Mandalorian au final. Le truc, c'est que Six Underground, là, toi, tu me parlais des faux raccords, notamment. Donc, pour ceux qui nous regardent, Joss a commencé le film, mais bah, il s'est endormi devant, hein, c'est malheureux. Moi, personnellement, je l'ai terminé, je sais que Romu l'a terminé aussi. Pour te dire, et peut-être pour te donner envie d'aller plus loin... Toi, tu me parlais des faux raccords, par exemple, dans un premier temps. Sur la première scène, il y a énormément de faux raccords. Et ils sont visibles C'est de ouf. incroyable, Mais sur tout mais le reste c'est du film, incroyable. je les ai quasiment pas vus. Donc, c'est vraiment le début où vraiment tu filmes. Enfin, c'est une course de voiture, donc c'est peut-être compliqué à tourner, etc. Par contre, ça fait des mois et des mois que je n'ai pas vu un film aussi bien réalisé et aussi léché esthétiquement. La lumière, elle est juste exceptionnelle. La réalisation, elle est aux petits oignons. L'action, elle est top. Et il y a de très très bonnes idées, mais il y a vraiment des idées mais excellentes. Je veux pas te spoiler, donc je t'en donnerai pas. Mais par exemple la scène du bateau à la fin pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ont vu le film, etc. Donc moi je te conseille d'aller au bout. Et au bout, Oui, à la non, fin mais... du film, tu vas te dire, c'est top en termes de réal, c'est top en termes de lumière, c'est top en termes de mise en scène. Maintenant il y a pas de scénario, on le sait. T'as juste passé un bon moment. Là c'était un film popcorn, ça dégage. C'est comme un Marvel presque, sauf qu'à Marvel il y a un peu plus de scénario. Mais franchement pour le coup, je pense que c'est l'une des meilleures réalisations de Michael Bay. Ok. Alors après, Michael Bay, on sait qu'il sait réaliser, tu vois, ce mec. Ouais. Il sait réaliser, en plus, il a vraiment son style à lui. Donc, moi, je suis pas fan personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment fans de Michael Bay. Et je peux le comprendre. Il sait faire le spectacle, il sait faire le show. C'est vraiment du cinéma, grand spectacle. On ne peut pas lui retirer ça. Mais pour moi, par exemple, tous ces films, ils sont trop vides. Après, regarde, à l'inverse, par exemple, John Wick. Le scénario de John Wick, il tient sur une feuille, sur un post-it. Le scénario de John Wick, il tient sur un post-it. Mais le film, il arrive avec sa réalisation, avec sa qualité de cascade, avec son qualité de truc, à te faire croire même à son scénario. Et tu trouves tout crédible, comme on disait tout à l'heure, on a l'impression que c'est réel, que tout est réel, alors que, tu vois, le truc de l'univers qu'ils ont voulu créer en mode les tueurs à gages, ils ont leur hôtel, leur truc à leur monnaie, que tout le monde tourne autour des tueurs à gages, bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu fantasque, mais ça rend la chose, tu vois, crédible. Pourtant, le scénario, il tient sur un petit papier. Mais à côté de ça, le problème, par exemple, là, avec Michael Bay, c'est que malheureusement, je trouve que des fois, surtout par exemple pour les derniers Transformers, ça suffit pas de faire du grand spectacle pour rendre un scénario bon. tu vois. Ça ne Non, mais suffit pas toujours. Transformers 5, c'est de la merde, hein, qu'on soit bien d'accord. Même le C'est 4. Enfin, épouvantable. le 4, C'était nul. le 4, tu kiffes Mark Wahlberg, c'est tout. Mais qu'on soit d'accord. Moi, ça, je trouve ça au-dessus de. Je monte mon écran à toi, tu le vois pas, mais il y a Six Underground. Je trouve ça supérieur largement à Transformers. Et je trouve ça aussi pour te dire, pour moi, avec ce film-là, j'ai l'impression qu'il va caricaturer Fast and Furious. En mode, haha, vos films, c'est vraiment de la merde, regardez. Et. Tu sens, il lance des petites piques pendant tout le film, il est là en mode ah, on est une famille, ah non, pas du tout en fait, arrêtez vos conneries. Et ça fait plaisir de voir un film qui a autant d'autodérision en fait. Parce que Fast and Furious, on se dit, oui, ça a de l'autodérision, ça part quand même d'un délire très très sérieux, les mecs se prennent au sérieux souvent, hein. Et alors que là, Six Underground, le film se moque tout le temps de lui, et c'est aussi ça sa principale force, c'est que le Michael Bay, il sait qu'il a pas de scénario, mais qu'il a un excellent film d'action. Et pour moi, alors voilà, se pose encore la question de le voir au cinéma ou le voir chez soi, c'est pas le problème là, c'est pas le débat, mais pour moi, j'ai passé un bon moment, franchement. Bon, j'ai passé un très bon moment. Il y a même quelques trucs qui font un peu Deadpool au niveau de Ryan Reynolds, mais bon, malheureusement, je pense aussi que la VF joue Ouais, là-dessus. ça trahit un peu, ouais. Voilà. Pour moi, en termes de mise en scène, j'ai rarement vu d'aussi bonnes idées de mise en scène en termes d'action. Franchement, tu me sors un film d'action qui est aussi bien foutu que ça, je les vois pas. Hein. John Wick, pardon, excuse-moi. John Wick, évidemment, que là, que je trouve supérieur parce qu'il y a plus de trucs dans John Wick, plus de choses à te mettre sous la dent et tout. Mais là, c'est littéralement le film popcorn où tu poses ton cerveau et ce que les gens appellent ça plaisir coupable. Mais il n'y a pas besoin d'être coupable d'aimer regarder ça, tu vois, c'est pas très grave. Ouais, mais après, le problème, c'est que là, on parle d'un film comme ça, mais t'as après des films d'action, il y a quand même un scénario incroyable. Je pense à Terminator 2, que tu Je l'ai n'as toujours jamais pas vu, vu. non. Bon. Pour moi, voilà, Terminator 2, il rassemble, tout ça, il rassemble des scènes d'action incroyables et un scénario exceptionnel. Tu vois, voilà. Et le problème, on est souvent un peu large sur ça. T'as Heat aussi. Il y a de l'action Oui, mais c'est pas et il y a pareil. et un scénario incroyable. Et alors là, après, on n'est pas. Voilà, je suis d'accord, Heat, c'est plus du thriller. Pardon, je recommence. Six Underground, c'est plus voilà, du blockbuster, popcorn et tout ça, je suis d'accord. Mais pour moi, tu ne peux pas non plus forcément négliger tout le temps le scénario. Il faut quand même qu'il y ait un minimum. Et pour moi, je vais m'ennuyer si je vois que dans le scénario, il n'y a quand même pas des petites choses qui tiennent un petit peu la route. Tu le, vois, le et scénario, moi, perso, ça va m'ennuyer. il tient sur un post-it aussi. Tu connais ou pas l'histoire au final? Ah non, je me suis endormi assez vite, hein. J'ai vu une demi-heure. Bah, je peux te le résumer? Bon, j'ai compris où ça allait en venir. J'ai compris où ça allait en venir, Je hein, peux te mais. résumer? Oui, si tu Pour veux. faire court, c'est un milliardaire qui a vécu des trucs bizarres, joué par Ouais. Ryan Reynolds, et qui monte une équipe de choc parce qu'il a l'argent pour aller dessouder des gens. Voilà, ça tient là-dessus, c'est ça tout le film. Ouais. Et Heat, pour moi, Heat et Terminator 2, c'est même pas comparable dans le sens où déjà c'est une autre époque. Et ensuite, est-ce que tu sais comme qu'est-ce que je pourrais prendre de très atypique comme ça? Par exemple, on en parlait, Robert Eggers qui va te faire un The Witch ou un The Lighthouse ou un Jordan Peele qui va te faire des films très politiquement engagés en termes de racisme. Michael Bay, ça pourrait très bien être le mec qui te fait des trucs comme ça sans prétention, qui a pas envie de scénar ou quoi, il a juste envie de se faire kiffer et de faire kiffer tout le monde. Et sur le tournage, les mecs, ils disaient d'ailleurs, ils ont tous kiffé leur race en fait. Pour eux, c'est littéralement pendant le tournage devenu une famille entre guillemets, ça fait un peu cucu de dire ça, mais ils ont tous en fait kiffé tourner ça. Et quand tu vois le résultat du film, à la fin, t'es là en mode, bah c'était débile, mais en même temps, Michael Bay il le savait, il s'est moqué de lui-même, il s'est moqué un peu de tout le monde, il s'est moqué un peu du cinéma d'action, il le fait avec assez d'autodérision pour moi pour que ça fonctionne de bout en bout. Et les faux raccords dont tu parlais au début, c'est un truc qui dérange plus parce que t'en as plus trop à la fin, bien que 2-3 scènes. Et surtout en termes de mise en scène, moi c'est là que je reviens, en termes de mise en scène et de lumière, j'ai rarement vu ça, honnêtement. Hein. Et pourtant je l'ai vu chez moi sur ma télé, mais j'ai rarement vu ça. Après, non, mais ce que je te dis, c'est un peu le truc de Bay, parce que Michael Bay, par exemple, dans The Island, que j'ai beaucoup aimé, tu vois, La ce série? film, j'ai beaucoup. Ah, Non, ok. Ok. J'ai le film de cru Michael que tu Bay. parlais de la série Netflix, il commence à paniquer. Hein. Non, non, C'est Michael non, Bay, le... The Island. Ah oui! Ah c'est oui! Michael Bah, Bay, il y a un ouais. plan très connu où il s'en est resservi dans les Transformers et tout. Ben, il y a le plan quand il passe sur l'autoroute, il passe Ouais. sous le camion, ce truc. Ça, tu vois, voilà, il est incroyable ce plan. Ce plan, je le trouve juste, mais cette scène, elle est incroyable. Donc le mec, il sait y faire et des fois, en fait, limite, il va m'énerver parce que je me dis, il pourrait faire tellement mieux, putain, s'il arrivait à embaucher un scénariste. Parce que je sais qu'il aime beaucoup écrire ses propres films. En plus, il se fait même pas chier, je crois. Enfin, il n'y a pas besoin vraiment d'écriture, mais il est souvent, des fois, en plus, au scénario de ses trucs. Je me dis, si des fois, il Là pour le s'entourait coup il n'y est mieux, il pas du pourrait tout. faire. Ah ouais, il n'y a pas du tout. Bon, il Non. pourrait. Je trouve qu'il pourrait faire tellement mieux. Et après, il y a du son côté kitsch qui peut aussi me déranger, tu vois. Et, par exemple, dans la scène d'intro, il y a beaucoup de ralentis. Alors moi, des fois, j'aime bien le ralenti, ça va pas me gêner. Mais trop de ralentis pour moi. Tu le ralentis. Ça, c'est que Et la puis en scène plus, d'intro quand la aussi, hein. voiture, Ça doit être la quand la moins bonne voiture, scène du film. elle fait un dérapage derrière, il y a des trucs qui explosent et tout. Bon, c'est du Michael Bay, je suis d'accord, mais il faut un peu un second degré Ah, que je n'ai mais. pas. Je suis un petit peu trop premier degré. C'est dommage parce que Michael Bay, ce second degré là, il l'a. Par exemple, tu regardes Transformers, c'est nul parce que bah, le mec il se prend trop au sérieux, il croit que ce qu'il fait c'est bien. Alors que là, tu regardes System Underground, tu sais que bah, c'est de la merde. Et lui aussi il le sait, il est là en mode bah vas-y, juste tu kiffes ta race. Mais du coup, bref, on va pas tergiverser là-dessus, on va plutôt passer à un autre truc. Ouais. Bah, vous retrouverez ceux qui sont intéressés à la critique de Joss de Six Underground sur la chaîne dans quelques jours, le temps qu'on la tourne. Et puis voilà, comme ça on pourra en reparler un petit peu plus en connaissance de cause. Un Mais détail du film. pour peut-être te donner envie. La première scène en termes de mise en scène, elle est monstrueuse, mais c'est pas la meilleure du tout. Mais vraiment, il y a trois grosses scènes d'action dans le film, début, milieu, fin. Les deux dernières sont absolument gigantesques. Et tu le verras, bref. Et du coup, ouais, dis-moi. Ouais, je veux dire, pour comparer, parce qu'il y a eu deux films Netflix, donc il y a eu Six Underground, et la semaine dernière, il y a eu Marriage Story. Et pour moi, voilà, ça, c'est les antipodes. Marriage Story, il y avait un vrai scénario, et c'était fort comme film, tu vois. Et je pense que moi, personnellement, pour repartir de la question, Marriage Story va beaucoup plus me marquer qu'un Six Ah, Underground, mais parce que, bien sûr, moi je suis en d'accord avec termes de toi. scénario, ça va beaucoup plus me parler. En fait, pour moi, un film, ce n'est pas que des explosions et que du visuel, c'est quand même aussi une histoire et un fond, tu vois. Et alors, si tu arrives à allier les deux, là, tu fais, voilà, un chef-d'œuvre. C'est dur d'allier les deux, c'est pas toujours très simple, je le comprends tout à fait, mais pour moi, un scénario doit être quand même au sommet. Quand tu fais un film, ça doit être quand même une de tes priorités, un bon scénario, parce que si t'as pas de scénario, ça nous fait rire. Mandalorian, et on se demande, Mandalorian, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? On se Mais demande voilà, qu'est-ce qu'on fout là. justement, mais juste avant de réagir à ce que tu disais, moi je suis d'accord avec toi, Marriage Story, je le préfère même mille fois, c'est un bien meilleur film, etc. etc. Six Underground, c'est même pas question de te marquer ou pas, c'est que t'as deux choix. Un soir, t'es là, tu sais pas quoi faire, tu regardes soit Marriage Story, soit Six Underground. Deux possibilités, soit t'as envie de te prendre la tête, soit non. Ça, c'est deux trucs Ouais. différents, et c'est aussi bien que Netflix propose comme ça Non, mais de tous ça. les genres, de tous les genres, tu vois. Et Oui, non, là, mais non, mais bien alors sûr. ce qui est bien. Tu l'as peut-être pas remarqué encore, ce qui est très bien là surtout, le fait que Michael Bay, donc c'est produit aussi par la boîte de J.J. Abrams, Skydance, le fait que Michael Bay fasse son... Skydance c'est pas du tout J.J. Abrams, c'est... Si, Skydance si. c'est Non, mais pas Bad Robot, il s'en J.J. sert Abrams? dans tous ses films. C'est Bad Robot, J.J. Abrams. Et Skydance c'est qui? C'est Je Skydance. sais que c'est la boîte qui gère toutes les missions impossibles, en Ouais, voilà, principe, c'est ça, mais ouais. Je après, sais plus, il mais y a Tom Cruise. bref, c'est une grosse boîte. Et par contre, là, moi, le très gros avantage de ce film-là, c'est que le film est ultra violent. Alors là, tu l'as peut-être pas vu au début, mais si, t'as dû le voir au début de la scène d'action. Oui, Il y a un piéton qui se fait buter, les mecs sont juste là en mode, haha, on s'en bat les couilles. Tu vois? Oui, non, c'est. Mais ça, ce que je te dis, le problème, c'est qu'après, pour moi, personnellement, c'est un côté un petit peu what the fuck où je suis trop au premier degré, moi. Et il faut que j'arrive. Tu vois, comme je t'ai dit, t'as tout con, il fait un dérapage, derrière, ça explose et tout. Toi, tu vas être là, tu vas dire putain, mort de rire, réalisateur, il se régale, il fait n'importe quoi. Et moi, je vais regarder, je vais dire putain, c'est kitsch à mourir, quoi, tu vois. Et c'est en fait, voilà, ils sont là, les deux points de vue différents. Et c'est même pas des points de vue différents, c'est des points de vue, en fait, d'appréciation d'un film. C'est la façon de l'aborder qui sont un petit peu différentes. Et alors après, il faut vraiment que j'arrive à le voir en me disant, voilà, il fait son kiff, il fait un peu n'importe quoi, on va regarder pour les effets techniques, parce que Michael Bay sait réaliser, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que je risque de m'endormir. Je me sens endormi, Bah tu vois. écoute, ouais, donc ouais. Bon bah écoute, de toute façon tu verras comment ça se passe, mais je te dis la première scène est la moins bonne, donc te fie pas trop à ça. Mais pour revenir à ce que tu disais sur The Mandalorian, voilà, ça c'est aussi la question de la semaine, The Mandalorian. Alors il y a des gens qui vont être là en mode, c'est une hérésie de les comparer, on les compare pas, hein, mais The Mandalorian... Il fait scénario. J'ai envie de pleurer. Comment ça, y a pas de scénario? Est-ce qu'un jour ils ont parlé d'un scénario déjà? Moi je me pose la question. Les mecs ils ont écrit 8 nouvelles. Une nouvelle c'est un épisode. Voilà. Point barre. Le fil rouge c'est que c'est le même déguisement. Parce qu'au final c'est même pas le même mec à chaque fois. Et plus un poireau vert. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Franchement. Comment les gens peuvent kiffer? Moi Ouais, c'est et puis ça la Kira question que comme je un me piqué, pose. quoi. Le poireau vert? Ouais. Ah oui, la brique de lait, ouais. Exact, Ouais, la brique de lait, ouais. j'étais en train de réfléchir, je savais pas si tu me parlais de ton zizi ou je sais pas ton quoi. Donc. Non, non, ça, par contre, j'attends que la vidéo à scoop. Mais donc, Ouais, voilà, non, maintenant, c'est. pour ceux qui ont. Mais c'est une question que je vais poser honnêtement. Pour ceux qui aiment The Mandalorian, qui trouvent que c'est une excellente série, etc., venez dans les commentaires, venez parler avec nous. Parce qu'on est deux là, à l'heure actuelle. Jérém, donc JTV, a pas le même avis que nous du tout sur la chaîne. Lui, il aime un peu plus que nous, je crois, bien que je pense qu'il trouve qu'il y a des points noirs. Venez parler avec nous, on ne comprend pas Ah, moi, pourquoi vous je aimez suis très ça. curieux. Ah, mais moi aussi, je veux un vrai avis là, c'est Ah comme. ouais, qu'on me Voilà. dise, bah, franchement, qu'on me dise, quoi. Tu vois, que limite qu'on arrive à me faire changer d'avis, tu Alors, vois, avoir pour moi. un regard différent au moins. Il y a Mais trois bon. mystères sur cette planète. First Man qui est pas aux Oscars. The Mandalorian que tout le monde adore. Et comment ils ont construit ces putains de pyramides de merde. Ok? Et donc voilà, venez nous expliquer pour The Mandalorian ce qui se passe. Je ne comprends Ouais, pas. qu'est-ce qui se passe? Non mais franchement, mais honnêtement, bon bref. Je sais pas. Puis j'aimerais savoir aussi un petit truc qui serait peut-être intéressant à savoir, c'est les gens qui adorent The Mandalorian, l'âge moyen. Est-ce que ce serait pas un peu des jeunes qui kiffent Mandalorian plutôt que des gens de la 25, 30, 35, 40 ans? Est-ce que c'est pas plutôt les ados qui vont aimer le Mandalorian? Parce que je me dis, est-ce que si j'étais ado, est-ce que j'aurais apprécié la série? Et peut-être, oui, peut-être que j'aurais apprécié un héros un peu cool, avec une belle armure, Baby Yoda, je l'aurais trouvé mignon, je l'aurais trouvé trop stylé et tout. Est-ce que le fait d'être jeune aussi, tu donnes pas un regard, en fait, est-ce que il n'est pas destiné à un public plus jeune? Peut-être qu'on est trop vieux ou Ouais, mais trop, en même je temps, sais pas. quand tu vois un épisode 5, oh, désolé, on va spoiler, donc partez de là si vous n'avez pas vu l'épisode 5. Quand tu vois un épisode 5 qui se passe sur Tatooine avec des speed racers, je suis désolé, c'est que du fan service. Donc, est-ce que Oui, c'est non, pas les vieux je de suis d'accord. 45 ans qui ont vu les films au cinéma, plus les jeunes de 15 ans? Enfin, les Ouais, vieux de mais 45 ouais. ans, sans offense, hein, les petits potes, si vous avez 45 balais, on vous aime. Ouais. Ouais, bisous, ouais. Bisous, mais arrêtez Non, de regarder ouais, The je sais Mandalorian, non? pas. Donc c'est compliqué, moi je n'arrive vraiment, Je... honnêtement, je ne sais, c'est genre un mystère pour moi, comment la série peut marcher. D'autant qu'elle n'est pas censée être disponible par ici, et Disney ils ont dû se rendre compte qu'il y avait un problème que tous les Européens l'avaient vu, donc c'est bizarre ça, non? Ouais, enfin, c'est clair, ouais. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, donc écoutez, si vous avez Mais un avis, on a envie de ça voir. prouve que, mine de rien, le scénario pour les trois quarts des gens, vu que quand même les trois quarts des gens apprécient le film, ce n'est pas forcément ultra important. Je pense que maintenant, on est dans un cinéma où il suffit de mettre un héros à peu près charismatique, un truc un peu mignon, un peu d'humour, et ça fonctionne, tout simplement. Alors, T'es même plus obligé de te faire chier à... est-ce que moi, comme on en parlait pour The Irishman avec le label Martin Scorsese, est-ce que le label Disney ne ferait pas beaucoup? Après... Oui, certainement, mais après Star Wars, il a quand même en ce moment, depuis quelque temps, quand même un gros bashing avec lui. Je pense que les gens, ils auraient pu basher encore plus Mandalorian, ils auraient pu... Donc du coup, non, parce que, comme je te dis, Star Wars, depuis quelque temps, il y a un gros bashing dessus, et moi j'en fais partie parce que le 8, je le basherai toute ma vie. Donc du coup, Mandalorian, quand même, il passe juste après l'épisode 8. Et il était quand même attendu au tournant, donc il aurait pu se faire basher tellement facilement. Et il n'a pas été bâché, donc je pense pas que du coup, je pense que vraiment les gens, c'est sincère et ils ont aimé, bon, ils aiment le Mandalorian, tout simplement. Bah écoute, tant mieux Parce que je pour pense eux, que hein. c'est plus facile de l'aimer que de le bâcher. J'aimerais bien prendre du plaisir aussi comme eux en prennent. L'épisode 6, qui d'ailleurs en termes de réal monstrueux, on en parlait tout à l'heure avec quelques moments de bravoure. Mais putain, le scénario c'est toujours pas ça. Et puis voilà, donc je pense que écoute, on va en terminer avec ce sujet et ce live. Et puis merci beaucoup de m'avoir accompagné. Eh ben, au grand plaisir, hein. C'était chaotique au début, mais Mais ce fut efficace savoureux à la après. fin, savoureux à la fin, allez, yes. Savoureux, hein, savoureux. Bon allez, Savoureux. à bientôt les petits potes, ciao. Allez, à toutes.